Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial de Retro Nouveau, un hors-série. Oui, monsieur. Oh yeah! Oui, monsieur. Sur la Switch, avec cette douce musique de Metroid en background. Ça part comme ça. Ça le fait bien. Mais hein, tabarnouche. Fait que là, on est switché au coton. Ouais, là, on est dans le tapis sur la Switch. Mais tu sais, elle est pas sortie encore. Je pense que les gens veulent vraiment en entendre parler. Puis là, on a passé plus de temps avec la Switch qu'au moment où on a fait notre petit épisode notre petit unboxing, dans le fond, que j'ai fait avec GF. Ouais. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, à soir, ce matin, pour tout le monde qui nous écoute présentement, on va donner nos impressions sur la Switch, nos premières impressions. On va donner aussi les premières impressions sur Zelda, sur 1-2 Switch. Et aussi, on va parler de l'événement qu'il y a eu hier, qui était les Nindies. Oui. Il y a eu beaucoup d'annonces, puis c'était très excitant. Oui, j'ai bien hâte qu'on parle de ça. Ça vient me chercher. Mais hein. Fait que c'est on ça. On parle de l'événement d'après-midi? Oui, on va parler de l'événement là, cet après-midi. En fait, on pourrait... C'est un événement médiatique de oui. Nintendo auquel Retro Nouveau a assisté. C'était dans un studio... vidéo, là. Oui. Chez Thumbs Up. Chez Thumbs Up, un bon petit studio clé en main. Ouais, fait qu'il offrait le green screen, la console, la caméra, le montage, toute la patente. Fait qu'on est reparti avec le footage. Ils ont tout édité eux-mêmes, ils ont choisi les cuts, ils ont tout choisi. Et puis, GF a rajouté de la musique parce qu'il n'y en avait pas. C'est un peu bizarre de nous voir traire des vaches, pas de musique. Exact. Si vous écoutez la vidéo, dans le fond, il y a juste moi puis Bruno qui sont mic'és. Fait que Mario et GF, on les entend un peu moins. C'est hors de notre contrôle, mais bon, écoute, on était là pour le fun. On était là pour le fun, on a eu du fun. Merci beaucoup à Nintendo pour l'invitation, c'était très cool. Oui, absolument. Puis c'est ça, tu sais, on s'est amusé avec 1-2 Switch. Puis d'ailleurs, on va en parler de 1-2 Switch un petit peu plus tard. Oui. On va commencer avec les impressions. Fait que la vidéo est sur notre Facebook. En fait, il est là. Et puis, il est sur notre site web dans la section Let's Play. Exact. Ouais. Il y a des vidéos de Let's Play aussi sur Facebook. Puis aujourd'hui, on n'est pas live, là, en fait, pour ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a un embargo, mais on voulait vous parler quand même à la fin de l'embargo de Zelda puis de la Switch. Donc, on fait un petit épisode spécial. C'est rare qu'on fasse ça le mercredi soir aussi, d'ailleurs. on est fatigués. On est brûlés. On est brûlés. On donne des bouchées doubles partout, mon gars. Ça. On est switchés au max. Les bouchées doubles. On est brûlés. fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, on peut commencer l'épisode avec nos impressions sur la Switch. Fait que là, on a une Switch en studio. Oui. Bruno a laissé le dock à maison. Fait que on a pris une webcam et puis la webcam, comme on voit à l'écran ici, va filmer la Switch. La Switch qui tient, on voit ici ma face qui pointe la Switch sur son trépied, sur la table, poreuse. Et puis on a la manette chien. Pitou. La manette Pitou. Je vais utiliser moi-même pour jouer à Zelda. Oui. Pendant que tu vas en parler, parce que moi, j'ai joué à Zelda. Pas vraiment, là, je me suis promené un petit peu, mais j'ai rien fait. Fait que je vais continuer de rien faire pendant ce temps-là. Toi, tu nous couvres ça comme un champion. Eh oui. Ben, c'est ça. Ma chaise vient de lâcher, genre. Elle a pété pour vrai? Ah non, c'est correct. Et Colin. Ben, moi, tu dépenses déjà que je m'achète des affaires d'équipement pour capturer le vidéo à 300-400 puis on laisse les docks connecteurs chez Bruno. Hey, shout out aussi aux jeux de Vita qui servent à tenir la caméra. À côté des jeux de Switch, là, tu sais, qui ont fière allure. C'est fantastique. Mais ça, justement, c'est fantastique parce que oui, j'ai oublié le dock. Mais on peut jouer pareil, puis on peut s'amuser avec la Switch quand même. Puis je pense que ça va être son principal argument de vente à cette console-là, du fait que non seulement tu peux jouer en mode tablette où t'as les deux Joy-Con de chaque côté de la Switch, mais tu peux l'installer puis jouer avec les Joy-Con, soit de façon individuelle comme une manette de NES, ou de jouer avec le fameux Pitou ou la Pro Controller. Hey, je peux-tu jouer avec mes deux Joy-Con, une dans chaque main, sans que ça soit oui, tu à peux Zelda faire ça. Tantôt? Là. Oui, à Zelda tantôt, tu comme peux faire ça. Comme un Wiimote puis un Nunchuck, finalement. Pareil. Mais pas de fil. Mais pas de fil. Entre les deux. Rien de fil. Entre les deux. Hey, tu peux pas douiller, mon gars, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ah ouais, tu peux vraiment faire ce que tu fais avec tes mains. Slack, slack, slack. Ouais. Jouer dans le Snuggie et tout, là. Ah ouais. Ah non, c'est hot. C'est vraiment hot, mais c'est ça. Moi, en fait, ce que j'ai le plus apprécié jusqu'à maintenant, puis ce qui fait, d'après moi, que ça va devenir rapidement ma console de prédilection, c'est ça. C'est qu'on peut jouer tout le temps. On n'a jamais besoin d'arrêter. Quand on commence une partie, on joue à un jeu. Justement, j'ai passé beaucoup de temps sur Zelda. Puis tu joues à Zelda, puis là, tu fais ta game, tu es sur ton écran. Après ça, tu l'enlèves du dock, tu continues à jouer en mobile avec les deux Joy-Con de chaque côté de la tablette. Puis ça fonctionne super bien, il n'y a pas de temps d'attente, il y a pas le temps de chargement est pas long. J'ai remarqué aussi que la console elle, bizarrement, elle réchauffe pas. Quand je m'attendais, quand tu es en mode tablette, en fait, je vais dire mode tablette à soi, mode tablette, je veux dire quand il y a les deux Joy-Cons de chaque côté puis que tu as la console complète, je m'attendais à ce que ça chauffe en masse, que tu entends de la ventilation, que ça devienne fatigant, mais c'est pas le cas. Non, c'est ça. C'est vraiment surprenant. Il y a un très bon processeur là-dedans qui est quand même assez épatant parce que c'est une très, très petite console. Mm. Puis non, ça fonctionne bien. Les seules fois où ça va réchauffer, c'est quand tu es dans le dock pour recharger. Ouais. Là, évidemment, à un moment donné, c'est sûr que ça va chauffer. Pas à un point où tu apprends puis c'est pas tenable. Là. Ça s'est fait trop chaud! Mais comme un bol de soupe au micro-ondes. Ben chaud tout le tour, mais semi-tiède dans le deux minutes, pas long. Ça sera pas chaud. Tu tiens le bout des doigts. Aïe, c'est ça. Pendant que tu l'amènes en avant de ton ordinateur, parce que tu manges devant ton ordinateur, parce qu'on est des caves de même. Pas de vie. Mais c'est ça, elle réchauffe pas trop. Donc, quand tu la prends dans tes mains, c'est bien correct. Mais c'est sûr que si ça a chargé longtemps, évidemment, ça se peut que ça soit chaud un peu. Mais bon, on n'entend pas la fan. Le son est très bon en mode portable. On entend super bien. Il y a des bons speakers là-dessus. Puis aussi, j'ai trouvé ça bien intéressant de pouvoir brancher mes écouteurs. Ça fonctionne très bien. Il y a peut-être l'endroit où on met les jeux. Quand on est en mode Switch tablette, que tu l'as dans les mains, changer un jeu, c'est quand même assez simple. Il n'y a rien là. Mais quand tu es sur le dock, c'est un peu comme weird de lever ça. Puis tu sais, la Switch, quand tu es dans le dock, ça balance un petit peu. Ouais, tu pousses d'un bord pour enlever le jeu. Exact. Il a fallu que le jeu soit précisément au centre pour pas que ça fasse ça. Genre, tu sais, d'après moi, c'est une question de... Tu sais, il y a une logistique derrière ça. Mais cette console-là... First world problem. Ouais, exactement. Mais tu sais, cette console-là, quand la première fois que vous allez clipper les Joy-Con sur l'écran, vous allez voir, il y a une satisfaction incroyable à clipper ça, entendre le clic. Quand tu ça le fait pas juste physiquement, le clic, la console elle-même a fait le claquement de doigts. Exact. Elle fait ça exactement quand tu clips ça, le Joy-Con, sur l'écran. Ah, c'est vraiment, c'est bien fait. Puis ouais, le clic, tu vois qu'ils l'ont travaillé sérieusement parce que t'as comme des une meetings, bonne réponse. Des meetings là-dessus, là mon gars. des Red Bull, du café, des dépressions, des burn-out. Des familles qui se brillent. Ouais, exactement. Faut qu'on aille le clic. Parfait. Un total de 1548 pages de PowerPoint. Pour expliquer un son. Mais c'est ça. Justement, les ingénieurs qui sont derrière la console, ils ont vraiment, ils le disaient, ils ont vraiment travaillé fort sur ce clic-là pour qu'on sente vraiment là, justement à quel point c'est intéressant d'avoir ça. Puis d'ailleurs, quand vous ouvrez votre boîte, tout est séparé. Fait qu'il faut que vous fassiez l'expérience vous-même d'assembler votre Switch. Puis c'est vraiment intéressant. Chose que... C'est ça. Ce que j'allais dire, en fait, avec ça, c'est que quand tu clips les deux Joy-Con, c'est bien le fun. Je m'attendais à ce qu'il se passe la même chose quand tu le mets dans le dock. Je m'attendais à ce que quand tu l'insères dans le dock, ça clique comme. Ouais. Mais non, ça tient un peu... Ça repose dessus. Ça repose dessus. Tu sais, ouais. C'est comme si tu le déposes sur quelque chose. Ça se met en place, mais c'est un petit peu mollasse quand même. Mm-hmm. Ce qui n'est pas dramatique, ben franchement. Là, c'est juste que quand tu vas vouloir mettre un jeu dedans, Il faut que tu le tiennes un peu quand même. Il faut que tu tiennes ta console. Puis quand tu vas aller chercher tes deux Joy-Con, tu as deux boutons à peser derrière tes Joy-Con pour les enlever de là. Puis il va falloir que tu retiennes quand même un peu avec ta main ta Switch. Tu peux pas juste les enlever rapidement comme ça. Ta Switch, elle va revoler. Fait que c'est ça. Fait que c'est des légers détails vraiment pour la prise en main de tout ça. Mais sinon, comme telle, la console, c'est vraiment une console qui est géniale. La batterie, tout le monde capote avec la batterie. En fait, Zelda, qui est comme le jeu qui demande le plus en termes de, en termes de chargement, puis en termes de qualité de visuel, tout ça, t'sais, là, les rendus sont quand même assez gros, puis il y a énormément de choses à loader dans ce jeu-là. Puis là-dedans, ça fonctionne bien. Ça a duré environ là, 2h45 avec la luminosité dans le tapis. Okay. Jouer en mode tablette sans être branché rien. C'est à peu près 2h45. Ça joue pour beaucoup la luminosité. Normalement, sur les batteries, c'est ce qui gobe le plus, je pense. C'est ça. Ben, je jouais avec la luminosité puis aussi mon son était très fort. Fait que tu sais, si on met toutes ces choses-là ensemble, c'est sûr que bon, j'étais dans les pires des cas, mais je voulais le tester justement pour voir combien de temps je pouvais durer avec toutes ces settings-là. Ouais. C'est sûr que si on change tout ça, puis j'ai l'impression, tu sais, il y a Shovel Knight qui va sortir, je pense, le jour du lancement. Oui. Shovel Knight va probablement demander beaucoup moins de puissance à la console, fait que ça va durer plus longtemps. Fait que tout ça, tu sais, je pense pas que ça va vraiment déranger la batterie. Puis avec la Vita, c'est un peu ça que j'ai, un bon 3 heures. C'est ça, USB-C, tu peux te plugger une batterie externe dessus facilement. Là. Ouais. Si t'en as une, ton cellulaire, tu l'as pour ta Switch déjà. Ah, ben oui, c'est ça. J'en ai une Cross Light qui a pogné d'une caisse de bière. Donc, c'est la solution. Ah, pour tout le monde savent que j'ai déjà acheté de la Cross Light. Mais c'est ça. Sinon, point de vue power, une des affaires qui est déplorable. Bon, c'est encore une chose qu'ils ont dû faire des choix pour faire cette console-là. Le branchement du AC est en dessous de la Switch, fait que c'est en dessous de l'écran. Donc, c'est la partie qui repose présentement sur la table. Fait qu'on peut pas la brancher pendant qu'elle est en mode bibelot, disons. C'est ça, exactement. C'est impossible de la brancher. Ils vont vendre un stand à la sortie de la console que tu peux le mettre puis tu peux le brancher. Pour que ça... Mais tu sais... Ça, c'est fail en crise. C'est plate, là. Le stand est comme 15$. Fait que c'est quand même pas si c'est ça. Pire. Ah ouais? Si t'as le besoin, c'est ça. Mais il va y avoir des third party qui vont en faire aussi des stands. C'est l'affaire la plus simple à faire. C'est le stand. Ben ouais, exactement. Dans le fond, tu peux bien prendre un stand de n'importe quoi. Mais à 15$, si t'as besoin de jouer tout le temps à tabletop, il faut que tu le plugues. C'est un bon investissement, c'est un petit cahier. Ou si t'es gainé un peu, tu peux te faire des setups comme dans les débuts de Rétro Nouveau. Nous autres, on avait une chaudière Rona avec des serviettes et tout, puis on tenait le micro au milieu de ça. Il y a toujours moyen. Cloue 2-3 morceaux de bois ensemble, sérieux. Ça n'a pas besoin d'être beau, là. Exact. Dépense 500$ sur une console, puis mets ça sur deux affaires qui tiennent tout croche, toute molasse, là. Mais tu sais, j'ai jamais senti le besoin non plus de faire ça. Si tu gardes en tête un peu, si tu as d'autres consoles chez vous, tu sais qu'il faut tout le temps que tu recharges tes affaires. Ça implique que tu amènes le power supply avec toi. Puis si tu es en mode ailleurs, tu vas pas. Tu peux l'amener. Tu sais, comme à soir, là, je l'ai amené, ça se faisait bien. C'était pas très compliqué, tu sais. Puis c'est une chose que j'ai aimé d'ailleurs. Ça se branche et débranche très facilement grâce au dock. Puis la façon que c'est fait, sérieusement, là, je vois que tu peux emmener ça n'importe où, n'importe quand. Mais c'est ça. Bon, c'est un peu plate pour le stand, mais en même temps, c'est pas très dramatique. Moi, ça m'a pas trop causé de problème. Le petit panneau, le petit levier qui est en arrière, bon, je l'ai ouvert une couple de fois. Le stand, là. J'ai eu de la misère à l'ouvrir. Il est difficile à ouvrir. Ben oui. J'ai eu l'impression qu'il me restait dans les mains. J'étais sûr qu'il allait me péter dans les mains. Là, tu forces, t'es comme... Ouais, là, t'as peur. Sens, t'as peur, man. Puis là, il ouvre. Ah, man. Fiu. Mais la prochaine fois, c'est sûr qu'il pète. C'est à chaque ça. Fois, tu dis ça à chaque fois. Ça, c'est il est mal fait. Ça. Ouais. Moi, j'ai été chanceux. Il m'est pas resté dans les mains. Mais j'ai vraiment l'impression qu'après une bonne couple de fois, il va me rester dans les mains. Mais on me dit, puis on écrit partout, que ça se repose très bien. C'est juste une petite partie de plastique bien simple. Ouais. Donc, Il n'y a pas de vrai problème là non plus. Ouais, un problème ça aurait été plus solide, ça aurait été correct aussi quand même. Là. Un problème que j'ai avec ça, c'est que j'aurais aimé que la machine, l'écran soit incliné plus par en arrière. T'sais. Là, elle est, ouais. elle est presque droite. Ouais. Ce qui fait qu'il faut que tu te penches, regardez-moi, là, faut que tu te penches. Ouais. De même, pour jouer, il faut que tu te... C'est vrai. Comme un bossu, tu sais, de Notre-Dame. Ouais. Tandis que si l'écran pouvait la tilter plus par en arrière, tu pourrais comme t'accoter les mains sur la table, tu sais, puis checker ça plus en surface. Mais tu veux, je pense que le fameux stand dont on parlait tantôt... Ouais, il va donner un angle c'est de plus. C'est là que ça va être intéressant, ouais. si tu vas pouvoir le tilter comme ça tente, puis ça va... Parce que je pourrais pas faire des longues sessions en mettant ça sur la table. Ben, anyway, je mettrais les Joy-Con de chaque bord. Là. C'est ça, exact. Ouais. C'est fait plus pour... Mais ça a été réfléchi en construisant à one to switch ouais. de ça. C'est-à-dire que tu regardes pas vraiment l'écran. Celle-là. Ouais. Ça mais tu sais, ça va être fait aussi quand tu vas vouloir jouer, tu sais, comme ça, t'amènes ça chez quelqu'un, puis tu joues avec les deux Joy-Con, admettons, à Bomberman. Mais là, ça va être intéressant de l'avoir dans ce mode-là, tu sais. Mais ça aurait mérité que, d'avoir plus d'angles, de possibilités totalement. D'angles que juste une possibilité. Ouais, exact. Mais ça, je suis 100% surtout d'accord. Sont, moi, je ne suis même pas grand en plus. Ceux-là qui sont très grands, là, comment est-ce qu'ils font? Là, comme Jeff, il faut vraiment qu'ils se courbent pour, pour checker l'écran. En plus, j'ai mal au dos. Jeff, il y a des maux de dos pas possibles. Il y a Mario. Faire Caro Masso, man. On va tout arranger ça. CaroMasso.ca. Il y aurait une commandité, d'ailleurs. Hand job on the side. Juste pour toi, il n'y a pas d'extra ici. Sauf pour le propriétaire de la maison. C'est le même que Loyer Spain. J'espère qu'elle n'écoutera pas l'épisode. Fait que c'est ça. Sinon, la console aussi, bon, en dessous de ce fameux stand-là, il y a la place pour mettre la fameuse carte SD qu'il va nous falloir pour avoir plus d'espace sur cette console-là. Présentement, c'est pas vraiment un problème parce que, bon, au moment où on se parle, il n'y a pas de jeux qui sont sortis. Le eShop n'existe pas présentement. Ouais. Il va exister au lancement le jour 1 de la console. Aussi, par rapport à ça, j'ai dit pas mal tout ce que j'avais à dire. L'écran, ça, c'est vraiment super bien. L'écran, il est tactile. J'avais même pas essayé. Il est tactile. Puis j'ai pas eu de problème avec cet écran-là non plus. La réflexion qu'il y a dans l'écran m'a pas trop gêné non plus. J'avais peur qu'il soit justement trop mat. Puis tu sais, comme un fini mat satiné, là, comme la 3DS. Oui, oui, oui, oui. Ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça. Non. C'est vraiment pas mon genre. Fait que. Mais non, c'est éclatant. Là. C'est comme une tablette. Là. C'est très beau. Là, vraiment, le fini est très beau. Le rendu est très beau. Puis aussi, quand on joue à Zelda sur la tablette. C'est très impressionnant. Là. C'est la première fois qu'on peut jouer à un jeu aussi grandiose sur quelque chose de portable comme ça. Là. C'est hallucinant. Un petit écran comme ça, par contre, j'ai l'impression qu'il va falloir en avoir plusieurs quand on va jouer, mettons, à 4 à un jeu. Je me vois pas jouer à 4 là-dessus à Mario Kart. Non. Sauf que quand on regardait les bandes-annonces... Tout être collé ensemble. Hey, écoute, ça n'aura pas de bon sens. Mais quand on regardait les bandes-annonces, on se rend compte que souvent, Nintendo met de l'avant les possibilités avec lesquelles on peut jouer. Fait que, tu sais, admettons, on joue à 4, ben on a 2 Switch, puis c'est split-screen à 2 pour 2 Switch, ce qui fait que tu vois ce que tu fais, puis 2 joueurs d'un bord, 2 joueurs de l'autre, puis that's all, tu sais. J'avoue. Ça fait beaucoup plus de sens. Fait que je pense que ça a quand même été réfléchi à l'avance. Puis c'est quand tu regardes le système, tu vois qu'il a quand même été très bien pensé. Si vous êtes comme moi et que vous êtes sur Internet, toujours à l'affût de ce qui se passe dans les jeux vidéo, eh bien, vous avez pu voir que le Joy-Con de gauche, il y a eu des rapports que... Il y aurait un petit problème de sync. C'est lui, ça. Ben, il y aurait des petits problèmes de synchronisation. Des fois, quand on va jouer en mode, j'aime ça appeler ça affectueusement, oui. Le mode pitou. Donc, avec la grip, quand on met les Joy-Con dessus, je me suis aperçu à quelques moments, quand je jouais à Zelda, de façon complètement aléatoire, qu'à un moment donné, Link s'en allait dans le trou. Il s'en allait à gauche complètement. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je touchais plus à rien. J'avais plus de contrôle de la manette. Puis là, à un moment donné, ça revenait. Là, elle se désynquait, puis elle revenait par la suite. Là, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, Colin? C'est un game breaker. Ça fonctionne pas partout. Mais Nintendo travaillait déjà sur le problème depuis un bon bout de temps. Puis la mise à jour qu'il va avoir au jour 1 de la sortie de la console règle ce problème-là. Ah, d'accord. Donc, ça va être important de faire la mise à jour. Je sais pas si vous en souvenez, mais la PS4, quand elle est sortie, il y avait des problèmes de ce type-là avec les manettes au début. Fait que c'est juste un problème de firmware. Là. C'est pas un problème matériel. Ça, exactement. Ouais. C'est une affaire de puissance de Bluetooth niveau 4 qui descend à niveau 2 quand tu le plugs. En tout cas, j'ai lu un peu là-dessus. Puis c'est bien compliqué, mais ça se règle par le software. Fait que d'après moi... Là, toutes les démos qu'ils ont faites là, sur les stages, tout, c'est jamais arrivé. Là. Non. Puis j'ai l'impression que ces consoles-là sont sur un firmware qui est vieux déjà depuis un bout, là, sont probablement en boîte depuis une couple de mois. Ouais. Puis ils ont fait des updates depuis ce temps-là. Fait que je m'inquiéterais pas trop pour ça là, pour l'instant. Là. Non, mais c'est ça. Moi, ils vont tout retêter ça ben, là, avec des petites belles mises à jour. Là, ouais, parfait. Pas trop. Exact. Sinon, imaginez le rappel qu'il va avoir que ce soit Joy-Con quand ça aura pas de bon sens. Mais au moins, c'est pas gros, tu sais. Tu mets ça dans un Ziploc, dans une petite enveloppe à bulles, puis tu shoots ça. Mais non, je suis pas inquiet pour ça, pour vrai. Sinon, là, j'ai parlé du mode tablette. Là, je vais parler du mode aussi où tu as les deux Joy-Con dans les mains séparément. Pour jouer à Zelda, ça se faisait quand même très bien. Au début, la première fois que je l'ai fait pour une longue session... J'étais pas trop sûr, ben franchement, je l'ai trouvé petite, je me dis je suis pas sûr, mais tu pognes la twist sérieusement, puis t'es prends dans tes mains, puis c'est vraiment confortable, ça se fait super bien, tu finis par oublier en fait que t'as des manettes dans les mains, ça devient comme une extension de ta main, beaucoup plus que l'était, mettons, la Wiimote, que tu sens vraiment que t'as une grosse manette dans les mains. Là, ouais. Ça, c'est plus ergonomique, en fait. Ça rentre, même si faut que tu t'habitues, c'est tellement petit, ça fit dans la paume de ta main. C'est ça. Mais j'ai remarqué que ça fonctionnait mieux si j'étais, mettons, assis puis à côté. Ça se faisait bien, les deux, mais si t'es, mettons, debout, là, ça se peut que t'aies des petits problèmes. Là. Ouais, non, faut que tu t'accotes. Là. C'est ça, faut que tu t'accotes, mais ça te donne une option pour être vraiment confortable pour jouer, puis... jamais arrêter de jouer. Je me verrais bien à côté au bar Arcade Montréal avec une Joy-Con dans chaque main et checker l'écran. Puis j'ai fait une longue session de environ 4 heures avec juste les Joy-Con dans les mains. Puis j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu à recharger les manettes. Les manettes, je connais pas présentement la durée de la charge, mais c'est une durée qui est très longue, sérieusement. Là, je pense que ça va durer assez longtemps. Ben, il disait 24 heures, je pense. C'est ça, début. Il disait 24 heures, mais j'ai pas pu tester si c'est vraiment 24 heures. Parce que, tu prends pas de chance, puis quand tu plugues ta console, tu plugues tes manettes dans la console. C'est ça, tu plugues tout le temps, de toute façon. Puis c'est ça, je disais tantôt, moi, chez nous, j'ai une PS4, Xbox One, même chose. Il faut que tu recharges tes manettes. C'est comme une habitude à prendre. Je me suis même acheté un chargeur externe pour la PS4 pour pouvoir charger tout ça. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu veux que ça soit tout le temps chargé, c'est tout. Tu charges les manettes. Exact. Fait que c'est ça. En mode juste Joy-Con, ça fonctionne très bien. Après ça, tout le monde est curieux de savoir, tu sais, quand tu regardes la grip, la manette pis tout, on se demande tout, bof, tu sais, ça vaut-tu la peine? Je sais pas, je vais m'acheter un Pro Controller. Le monde la trouve pas belle. Ben, elle vient avec, en fait. Là. C'est ça, elle vient avec. Sincèrement, là, moi, j'ai joué énormément de cette façon-là, puis elle est très confortable. Sérieusement, j'ai aucun problème avec cette manette-là. J'ai trouvé que c'était super confortable. J'ai jamais eu vraiment un problème. J'essaie de trouver une référence visuelle de grosseur. Attends un peu. Ah, écoute, tu peux pogner un Game Boy. Le Game Boy qui est marqué Jean-François. Là. Ouais, une cassette. Mais non, c'est ça, c'est super confortable. Il y a peut-être des T'as fois... T'as pas les meilleurs en plus. Hey, Colin, bubble. C'est comme gros comme... C'est gros comme une cassette. C'est un carré, Ben ouais, c'est vrai ça. Mais sérieusement, là, peut-être que ça look pas comme les manettes classiques, mais sérieusement, elle se tient super bien. C'est sûr que si t'as des grands, longs doigts, tes doigts vont coller un peu derrière, Puis ça se peut que tes doigts se touchent en arrière, dépendant de ta grandeur de doigt. Puis des fois, on n'aime pas ça, se toucher nous-mêmes, nos doigts. Mais je pense que tout le monde va y trouver son compte. Puis sérieusement, si tu le kit de base, tu sais, ce qui arrive avec la Switch, sérieusement, t'es bon pour faire un méchant bout avec ça, tu sais. Ben oui. Je pense qu'après ça, après avoir regardé tes options, là, peut-être, OK, tu t'achètes une Pro Controller, mais sincèrement, t'es pas obligé d'en acheter une au début. Non. Je pense que tu vas être très, très, très satisfait d'avoir celle-là. Puis elle fonctionne vraiment à merveille. Fait que c'est ça. Puis sérieusement, je pense que ça va être une console que tout le monde va adorer sérieusement. Là, t'sais, pas seulement en tant que fan de Nintendo, mais juste en tant que fan de hardware, sérieusement, c'est solide. T'as pas un jeu d'enfant dans les mains. Non, c'est ça. Puis t'sais, moi, ce que j'aime, c'est que c'est plus petit, c'est moins bebelle qu'une Wii U. Tu sais, le gamepad de Wii U, là, c'est pas slick, tu sais, c'est chubby, c'est plastique. C'est plastique. Ouais, ouais. Puis ben, même la console Wii U, c'est gros, ouais. Là. Ouais. C'est gros en crisse. Ouais. C'est un gros tube aplati, tu sais, sans ombre, ouais, sans shape. Ils sont modernisés beaucoup, là. Ouais. C'est vraiment de la merde, tandis que là, ici, tout est mince, tout est petit, ouais. Tout est léger, tout est élégant. C'est slick, là, au bout. C'est un petit plastique gris, brossé, mat, en fait, pas brossé, mais mat. C'est design, un beau design. Ouais. Il y a vraiment des bonnes décisions de design qui sont prises pour faire ce système-là. Pis, ouais. On n'est plus des affaires d'enfants. On est des affaires c'est un ça. Petit peu plus sérieuses, adultes. Mais quand même, tu sais, comme c'est la joie de Nintendo, mais bien emballé. Puis tu sais, je pense, si quelqu'un se pose la question, j'achète-tu ça, j'achète-tu pas ça? Je pense que ce qui va faire que tu achètes la Switch, c'est que c'est une offre, encore une fois, qui est différente des autres. Ouais. Tu achètes ça parce que là, tu vas pouvoir jouer n'importe où. Puis quand je dis jouer n'importe où, c'est pas comme le Remote Play de Sony. T'sais, le Remote Play, c'est vraiment le fun. Je l'utilise tout le temps. Ah. Mais ça reste que faut que je sorte du jeu. Ça reste qu'il faut que je set up mes affaires, que j'aille un ordinateur qui fait du Remote Play. Ou que je joue sur ma Vita, mais que j'aille pas tous les boutons pis tout ça. Non. Là, c'est mon gars, tu clips tes manettes, tu t'en vas, c'est fini, là. C'est, mon gars, il part avec l'écran puis les Joy-Con de clipper dessus, il amène ça chez son ami, il déclipe ça, il met l'écran là puis les deux, ils jouent. Exact. Tu sais, moi-même, quand je voyais ça, j'étais comme, bon, bebelle, on s'en calisse. Mais en y réfléchissant, tu sais, mon gars, si on avait une Switch à la maison, il ferait totalement ça. Ben oui. Il amène ça chez son ami puis c'est réglé. Puis son ami en a une en plus. C'est le vrai party. Ben oui, exact. Puis c'est facile. Tu sacs ça dans le fond du sac à dos, man. C'est réglé. C'est ça. Ah non, c'est super simple. Puis, ouais. Tu sais, moi, je trouve que c'est... Tu sais, c'est au départ, PlayStation, que j'aime beaucoup, eux autres, je me disais, ben, tu sais, leur attrait, en fait, présentement, c'est que si je joue à un jeu, ben, je sais qu'il est cross-buy. Puis je l'ai sur ma Vita. Puis je l'ai sur la PS4. Ça vaut-tu même encore la peine de parler de la Vita? Non, mais c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est que ça a fait un temps. Là, la Vita est un peu morte. Puis je m'en sac. Exactement. Puis là. C'est plus un feature que les autres vont suivre, ça, d'essayer de. Anyway, il n'y aura plus d'autres consoles mobiles. Eux autres, ils ont pris le flambeau. Ils l'ont pris, ce côté-là de. Tu sais, t'as pas besoin d'acheter deux fois. Là. Tu l'achètes une fois, puis tu l'as partout. Exact. Puis, tu sais, il y a. Je remarque qu'il y a une grosse emphase de la part de Nintendo sur le multijoueur local. T'sais, il y a vraiment comme un revival du multijoueur local. Ouais. J'ai l'impression qu'avec cette machine-là, ils vont vraiment totalement l'exploiter. Puis quand je compare aux autres machines, j'ai comme juste l'impression... les autres peuvent plus suivre. T'sais. Ouais. Ils peuvent plus imiter là, tout non, ça. Non, c'est là, ça. Oui, tu peux imiter avec la PlayStation Move, genre du motion, ouais. Des affaires de même. Mais les autres, ils sont partis dans la réalité virtuelle. Ça va être leur cheval de bataille. Nintendo... Ils s'en calisent de ça. Eux autres, ils s'en vont, man. Plaisir, maniabilité, t'amènes ça chez le monde. T'sais, ça va partir carrément dans deux directions. Puis il n'y a plus personne qui va essayer de faire ce que l'autre. Ben, non, les autres ne vont plus essayer de faire ce que Nintendo fait parce que. Exact. Ils peuvent plus suivre. Là, on est trop ailleurs. Tu comprends? Ça serait trop compliqué. Là. Fait que dans ma tête, c'est comme si Xbox puis PlayStation vont continuer. Bon, un moment donné, ils vont juste faire des ordinateurs. Ouais. Parce que c'est tout le temps plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Puis quoi d'autre sinon ça? Il n'y a rien d'autre. Fait que c'est, ça va devenir deux mondes là, encore plus séparés que ça l'est aujourd'hui. Là. Là, on le sent que c'est deux mondes, sérieusement. Ouais. Là, la Switch est tellement différente, là, c'est plus la même game. Là, non. Là. Puis je pense que, tu sais, on va parler des Nindies tantôt, mais tu sais, je pense aussi qu'il y a vraiment, il y a des gens qui voient ça, cette machine-là, puis qui se disent, Colin, enfin, tu sais, Nintendo a totalement catché ce qui marche pas. Ouais. Fait que tu sais, ça va devenir comme la machine à avoir. Puis je pense que même si tu l'as pas, tu le laissais une fois, tu la mets dans tes mains une fois, puis t'es comme, ok, j'en veux une. Mais moi, absolument. Ce que j'aime, c'est que ça prend le meilleur de la Wii, ce qui est le motion, tenir quelque chose dans tes mains, tout ça. ça l'enlève tous les fils, ça l'enlève, ça met ça tout plus mince. Ouais. Puis j'ai comme le, puis il y aura jamais autant de shovelware que comme il y en a eu ça à Wii que n'importe qui faisait n'importe quoi. Puis ça prend le meilleur de la Wii U, que la Wii U c'était genre une console portative que tu peux bouger avec, mais qu'elle déplogue à 20 mètres. Puis là, c'est comme va-t'en ou ce que tu veux avec. Tu sais, ça prend le meilleur des deux. C'est comme s'il y avait, puis, y avait une vision depuis très longtemps. C'est ça. Ils pouvaient pas y arriver. Ils n'ont pas réussi. Pas la technologie. C'est ça. Ils n'ont pas réussi à la faire. Fait qu'en fait, les deux. Puis, de la Wii aussi, ils ont gardé comme un design esthétique. Tu sais, un souci de l'esthétisme qu'ils ont complètement laissé faire pour la Wii U. Oui. Fait que non, c'est comme. Non, c'est un très bon pas. Un bon produit. Oui. Puis, il y a une autre petite affaire que j'aimerais dire avant de passer à d'autres choses. Les Joy-Cons, il y a des dragons qu'on reçoit avec. Oui. On les a présentés dans le unboxing, en fait. Puis ces petites dragons-là sont sérieusement très pratiques. Tu sais, si tu veux pas l'attacher à ton bras, fine. Mais quand on les accroche sur les Joy-Cons, ça en fait une vraie manette. Puis la prise en main est très bonne. Certified by Papa Cassette. Lui aussi me disait qu'il trouvait ça confortable. Oui, oui, c'est comme ça te fait, c'est un peu plus gros dans ta main, t'es plus à l'aise. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, pour jouer au jeu classique, je pense que ça va être un incontournable d'avoir ça. C'est vrai que des fois, j'ai trouvé ça un peu plate d'avoir à clipper ça, déclipper. C'est quelque chose qu'il faut que tu tiennes comme à part de ta console. Fait que tu sais, faut. Si tu t'en vas sur un chum... Des affaires tout, à traîner encore. C'est ça, c'est des affaires à traîner. Fait que mais c'est pas nécessaire, mais... Exact. Fait que tu sais, je pense que pour la Switch, il va te falloir quand même un bon sac pour la Switch avec tes accessoires, tes jeux, tes ci, tes ça, tu sais. Ouais. Puis les jeux sont très, très, très, très petits, comme des jeux de 3DS. Ah, carrément. C'est ça que fait c'est. Un petit peu plus un petit peu moins large, plus allongé. C'est les ça. Les cases sont très minces. Sont magnifiques, les cases. Ils sont plus minces qu'un case de Vita. Les coins un petit peu plus pointus. Puis il y a le joli branding rouge de Nintendo sur la tranche. Et puis le petit carré sur le dessus. Moi, j'adore qu'il y ait juste un petit carré sur le dessus. Il laisse toute la place au artwork. T'sais. Ouais. Puis c'est simple, simple, simple. Non, et c'est puis, très beau. En dedans, il n'y a rien qui se passe, bien sûr. Ouais. Il y a un espace pour le jeu. Puis il y a un espace pour le bouclette. Pour la bouclette, mais il n'y a pas de bouclette. Ah, j'aimerais ça, man. Le retour des bouclettes carrées, ça serait fantastique. Mais Mario, il veut se lancer dans un full set de Switch. Ben oui. Il commence tout de suite dès la sortie. Il fait bien. Puis si vous avez, là, je ne sais pas combien il va en avoir de jeux de Switch, là, mettons une centaine, qui sont tous alignés comme ça dans votre ça bibliothèque. Rouge, là. Ça va le faire. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Moi, je suis super content du virage qu'ils prennent avec le branding et tout ça. On sent vraiment que c'est comme un retour en arrière aux sources, à ce qui fait qu'on aime Nintendo. Ouais. Fait que je suis vraiment super content. Je trouve que c'est hyper prometteur, cette console-là. Puis aussi, la vision de Nintendo, les gens qui se mettent de l'avant chez Nintendo aussi, c'est différent. On sent un vent de fraîcheur. Puis, on le sent vraiment là, avec cette machine-là là, qu'on est ailleurs. Même l'OS, j'ai pu passer du temps avec le système d'exploitation et tout ça. C'est très simple. C'est vraiment, vraiment simple. Puis il n'y a pas aucun niaisage là-dedans. Ah oui. Hein. Tu ne cherches pas. Ça prend pas de temps à loader non plus. Tu sais, c'est. Puis il y a eu aujourd'hui une vidéo qui est sortie qui montre le eShop. Tu sais, comment il va être, tout ça. J'espère qu'il va être à la hauteur de tes attentes. Super slick, mon gars. Simple, des cases droites. Ah, pas de niaisage, ah, là, ouais. Pas d'affaire de des, thématique. Des petits bonhommes qui arrivent. Tu joues à quoi, toi? Wouhou! Ouais, c'est ça. Hey, regarde qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers. Je veux pas parler à personne. Non, mais je joue à des ça, jeux vidéo pour m'isoler. T'as une icône nouvelle, je pense, pour ça. Si tu veux pas le voir, tu vas pas dedans. Si tu veux le voir, tu l'as. Fait que c'est bien. Non, c'est vraiment génial. Puis si même on fait juste en plus l'enlever, ça sera encore plus hot. Non, puis même les Mi, tu sais, sont vraiment cachés dans la console. C'est pas une application qui est direct en face. C'est dans les settings. Là, t'as comme, ah, tu peux créer ton Mi, tu sais, mais c'est pas ça qui est mis de l'avant. Fait on dirait vraiment qu'ils veulent faire, garde, c'est encore là pour ceux-là qui veulent, mais nous autres, on est rendu ailleurs, là. Exactement. Fait que, tu sais... Prochaine étape, tu n'as plus. Ouais, c'est ça. Terminé cet enfer. Mais tu sais, le pire, c'est que quand il a fallu que je crée mon avatar, tu sais, j'avais le choix de prendre une icône d'un personnage de Nintendo ou j'avais le choix de faire mon Mi. J'étais comme, Caroline, je vais aller me faire un Mi, tu sais. Puis là, quand tu vas faire ton Mi, tu peux y faire des poses weird, tout ça. Là, le mien, il est couché sur le côté puis il fait son sexy. C'est vraiment drôle. Fait que, non, vraiment, super bonne console. Je la conseille, je la recommande vraiment fortement. Là, il y a des petits détails qui sont qui sont moins intéressants, mais c'est pas des game breakers, c'est pas des affaires qui fait que ah non, fuck cette console ou attendez la prochaine version. Ouais. C'est une excellente console, puis je pense juste que les firmware updates, les mises à jour de la console vont juste l'améliorer sans arrêt. Côté performance, sérieux, aucun problème. J'ai eu un petit peu de lag et de perte de frame à Zelda quand j'étais en train de jouer après un certain temps, quand ça faisait vraiment longtemps que je jouais. Mais ça n'a pas été quelque chose qui a fucké mon expérience de jeu vraiment. Là. Fait que c'est ça. Juste dire aussi qu'aujourd'hui, ils ont annoncé que la Pro Controller va être supportée nativement dans Windows. Fait que tu la plug en USB et elle est reconnue comme une manette et tu peux jouer avec dans Steam. Ah, wow. Alors, ouais. Je vais m'en acheter une rien que pour jouer à Steam. Et là, il embarque. Moi, je faisais avec ma manette de PS4, mais direct avec la celle de la Switch, la Pro. C'est vraiment... C'est une bonne nouvelle. Non, mais vraiment, c'est juste là, des bonnes nouvelles. Ouais. Tout va bien. Mais c'est pas grand-chose qu'on peut se plaindre pour non, vrai. Sérieux, là, pour non, une mais fois, c'est parce là. Qu'ils prennent la bonne décision. Ben t'es oui. pas habitué à ça. D'habitude, c'est comme, oh, on pourrait être une manette sur une autre machine que Nintendo. Fuck, non, on est juste sur Nintendo. Ah, ouais. Là, ils font, non. Tu sais, ça te fait de la pub, man. Puis le monde trip sur ta manette. Ah, c'est vraiment hot. Bravo. Quelle bonne nouvelle. Good job. Tabarouette. On est prime. Good job, Nintendo. Je suis plus que semi-croc. Là. Ah ouais. Ah ouais, j'ai full. Un 3-4 full. Oh, ça a donné un coup en dessous de la table. Full croc. Je vais être full croc quand je vais recevoir. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que là, on est-tu rendu à explorer Zelda? Oui, monsieur. Zelda Breath of the Wild. Mets du gameplay, là, du gameplay ghetto. Hey, d'ailleurs, aussi. Cette semaine, j'ai terminé hier. gameplay ghetto. J'ai terminé un Link Between Worlds que j'avais sur ma to-do list. Je l'ai fait avant que ça sorte. C'est vrai. Puis, problème de gamer vieillissant, j'étais tellement stressé, puis comme intense, que je jouais penché par en avant. Puis là, à matin. J'ai mal dans le dos puis j'ai mal au pouce. Sacré. C'est ridicule. Ce jeu-là, t'as demandé beaucoup. Là. Ouais, hey, ben, ça, je me suis, ben, j'ai tout fait le jeu en comme une semaine. Je me suis investi en fou. Là. Mais non, sérieusement, je pense que c'était mon meilleur Zelda. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Mais 10 sur 10, celui-là, le monde n'en parle pas assez. Non. Il parle trop de Majora's Mask. Ouais, je comprends pas. Mais toi, c'est ton meilleur Zelda ever? Ben, moi, mon meilleur, c'était à Link to the Past. Puis ça reprend Link to the Past. Ça règle tous les problèmes, dans le fond. Puis ça rajoute la twist là, de coller ses murs, qui est tout à fait sympathique. Ouais, exact. Donc, non, moi, j'ai passé là-dedans, mon gars, là, passionnément. Je l'adorais, moi aussi. Et puis, mais j'aime pas les Zelda 3D. Puis, comme Mario disait, c'est dommage. Tu sais, c'est comme si les Zelda top-down étaient considérés un peu comme des sous-Zelda. On ouais. Tu sais, là, Skyward Sword, Brise d'écurie vient de sortir pour la Switch. Mais là, je sais pas. Puis là, c'est ça. Moi, je trouvais que... En tout cas, dans le Facebook que je me tiens, on dirait que Ocarina, Majora's Mask, a eu plus de visibilité, tu sais, que Link Between Worlds, où le monde en parlait vraiment plus. Tout le monde s'achetait Majora's Mask comme si, soudainement, c'était le jeu là, qui était tellement hot. Ils ont fait des 3DS Majora's Mask. Les revendeurs les vendaient, c'était 1000$. Tout le monde capotait. Mais à Link Between Worlds, comme... Je sais qu'il y a eu des bonnes notes et qu'il a été apprécié toutes les critiques. Ben oui. Mais j'ai pas de monde dans mon entourage qui ont comme capoté vraiment tant que ça là-dessus, qui m'en ont parlé avec passion. Alors qu'ils devraient. Ouais. Parce que fuck, man. Mais il y a tellement de fans. Les jeux sur 64, c'est ça. Il y a des. Ben ouais, y a beaucoup de monde qui nous écoute qui tripse à 64 puis ces jeux. Puis les meilleurs Zelda, selon beaucoup de monde, c'est vraiment ceux-là sur 64. Ouais, c'est Ocarina of Time pour ben du monde. Ouais. Exact, mais tu sais... Pour moi, ça valait l'achat de la console seulement, ce jeu-là. Vraiment. J'ai capoté. Vraiment. C'était super bon. Tu sais, je regarde, c'est quoi? C'est un jeu de 2014, je pense. 2013. 2013. Quand même, ça si fait 4 ans. Ouais, 4 ans. Ça fait 4 ans, puis ah ouais, je venais juste d'avoir mon deuxième, puis il y a 4 ans, là, justement. Ah oui. Ça faisait quelques Et semaines. Et voilà. Quand il dormait, je jouais à ça. Ça m'aidait à décompresser. Wow. Mais là, on va parler du nouveau. On va parler du nouveau. On va vous mettre un peu de gameplay. Comme on est capable. Je vais placer la caméra. Là. Voilà. Ah, ben, ouais. bon. Et monsieur, notre, oui. Donc ici, là, on a la petite interface. Là, tout mignon, tout bon. Là. Je vais aller là-dedans. Tellement magnifique. On voit en bas à gauche, d'ailleurs, que ta manette, t'as choisi deux Joy-Con et non le mode tablette ou la Pro Controller. Là, j'ai le soleil d'en face. Oui, t'as le soleil d'en face. C'est ça. Bon, Breath of the Wild, moi, j'ai passé énormément de temps là-dessus. J'ai joué une tonne d'heures. En fait, j'ai joué à peu près, là, je suis rendu à entre 15 et 20 heures. Je sais pas exactement combien encore. Puis j'ai égratigné la surface. Sérieusement, c'est un jeu qui est gigantesque. C'est première affaire que vous allez vous rendre compte quand vous allez jouer à Breath of the Wild, c'est qu'on est ailleurs. Là. On est, c'est... Je viens juste de grimper une paroi, mon gars, gigantesque comme si c'était rien. Mais on n'est pas dans l'univers de Zelda qu'on connaît vraiment, parce que d'habitude, tu as ton Master Sword, tu t'en vas faire un donjon, l'arme que tu vas pogner va te permettre de battre le boss qui est dans ce donjon-là, puis on passe à autre chose, on s'en va au prochain donjon. C'est plus vraiment ça. Là, ça a changé. Ah. C'est vraiment un jeu qui est inspiré de Monster Hunter puis des MMORPG. Quand tu vas commencer l'aventure, ce qui est le fun, c'est que le tutorial ne sera pas extrêmement long jusqu'à temps que tu joues. Tu commences en fait en apprenant à jouer vraiment. Fait que tu vas ramasser des armes qui vont traîner un peu partout. Tu vas ramasser une branche de bois, tu vas ramasser une hache qui traîne, tu vas aller battre un ennemi, puis là, cet ennemi-là, finalement, lui, il avait une lance, fait que là, tu vas prendre sa lance, puis toutes ces armes-là vont se briser avec le temps. Ben, je viens juste de briser mon marteau, là. C'est ce que je fais. Et là, à un moment donné, t'es pogné, tu sais, puis t'es pas mal tout le temps en mode survie là-dedans, tu sais, parce que non seulement tes armes vont péter, mais aussi, il faut que t'ailles chercher de la nourriture pour survivre. Il va falloir que tu fasses la cuisine pour avoir... Ah, faut que tu manges vraiment. T'as comme une jauge d'énergie qui baisse avec le temps? Ou non, ça baisse pas avec le temps, mais quand tu te fais frapper. Quand t'es magané, tu te fais frapper. Ok, ok, ok, je comprends. Puis c'est ça, tu peux. Puis c'est pas seulement les ennemis qui peuvent te faire mal, c'est aussi la température. Si t'en vas dans un endroit où il fait trop froid, puis que t'es pas habillé convenablement, ben tu vas perdre de l'énergie. Ouais, j'écoutais le Nintendo Voice Chat, puis le gars il dit ouais. je marchais pendant, c'est devenu chaud, puis là il y avait de la boucane, puis là mon armure a pogné en feu, puis je suis mort, j'ai brûlé. Mais c'était un peu ça, tu sais, comme moi je voulais aller dans un endroit où j'avais pas le droit, puis je me suis mis à geler, puis je pouvais pas me rendre plus loin, sauf que je pouvais comme me rendre plus loin en mangeant tout le temps quelque chose pour remettre de l'énergie, puis me rendre ailleurs. Fait que tu sais, c'est le fun parce que ce jeu là t'apprends comment y jouer en y jouant littéralement. Tu sais, t'as pas vraiment de tutoriel. Personne t'explique vraiment comment faire exactement. Fait que tu sais, tu le découvres sans arrêt, puis t'apprends à jouer parce que tout est intuitif en fait. Tu sais, si tu vois un arbre, t'as une hache dans les mains, tu fais comme crime, je devrais pouvoir l'abattre, cet arbre-là. Ben oui, là tu peux. Mais c'est bien parce que tout le monde va avoir une expérience de jeu complètement différente. S'il n'y a pas de genre d'histoire linéaire qui te montre comment jouer. C'est ça, exactement. Tu pars où tu veux, puis on risque d'avoir chacun une expérience vraiment différente. Ça. C'est ça, parce que quand tu commences le jeu au départ, tu sais, t'as comme un vieil homme. Vous avez peut-être vu dans le Treehouse, tout ça. T'as un vieil homme qui est là, puis là, lui, il va te dire, ben, garde, si tu veux ton. Ton truc pour flotter finalement, ton espèce de toile, ton glider, il va falloir que tu t'ailles chercher certaines affaires pour moi, nanana. Fait que là, toi, ça te force à aller à des endroits puis à essayer de découvrir un peu. Puis là, tu découvres un peu la carte, là, tu fais comme « Colin, la carte est grosse en tabarnouche ». Puis on te laisse un peu, on te donne des indications, mais on te prend vraiment, vraiment pas par la main dans ce jeu-là. Puis ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment, vraiment pas par la main. Non, c'est ça. Dans le sens que tu peux vraiment, tu peux te perdre. Là. Tu peux penser que tu es en train de résoudre le problème à ta mission, ouais, mais tu fais complètement autre chose. Puis tu es vraiment dans le champ, puis tu résoudras rien. Fait qu'il faut vraiment que tu lises ce que les gens vont te dire. Il faut vraiment que tu sois attentif à ces affaires-là. Sinon, tu peux toujours revenir puis aller leur reparler pour voir qu'est-ce qu'il y avait besoin exactement. Fait que, tu sais, quand tu commences, tout le monde va faire la même affaire, comme le premier plateau, si on peut dire, l'endroit qui est débarré par la carte quand tu commences le jeu. Tout le monde va passer par là. Ça, c'est comme la première heure. Mais après ça, si toi, tu décides d'aller au nord ou tu décides d'aller à l'est, à l'ouest, c'est ton choix, sérieusement. Tu peux décider de le faire comme tu veux, ce jeu-là, puis ton expérience de jeu va être complètement différente de celle de tes amis, tu sais. Ce qui fait que ça peut devenir vraiment prenant, ce jeu-là, puis tu peux finir par te perdre dans le monde puis faire comme « Aïe, aïe, qu'est-ce que je vais découvrir? Je suis-tu dans le trouble, là, présentement? T'sais, j'ai-tu assez de provisions? J'ai-tu assez d'armes, tu sais? » Fait que ça, j'ai trouvé que c'est vraiment quelque chose de génial parce que chaque partie est excitante. T'sais, ça m'arrivait de jouer à ça. Crème, je jouais des heures et des heures. Puis là, un moment donné, ben, faut aller se coucher, malheureusement. Ouais. Fait que là, j'allais me coucher. Puis là, tu sais, je me couchais, puis là, j'étais comme Colin. Ah, mais là, faudrait peut-être que j'aille là. Ouais, mais lui, il avait dit ça. Mais là, ah, crème, qu'est-ce qu'il faudrait que je. Puis ça, je trouve ça vraiment génial parce que t'es comme excité de savoir que c'est quoi tu vas découvrir la prochaine fois. Tu sais, c'est quoi les armures que tu vas pouvoir prendre aussi. Tu sais, le loot est super intéressant. T'as tout le temps le goût de battre les ennemis. Puis d'aller chercher des trésors, tout ça, pour pouvoir acquérir des nouvelles armes, acquérir des nouveaux habits, tout ça. Parce que tout est. Tu peux pogner tout, là. Tu peux pogner des armes, boucliers, tu peux pogner quelque chose pour t'habiller, justement, les jambes, le torse, la tête. Tu sais, c'est vraiment une expérience avec laquelle tu vas tout le temps améliorer ton personnage de toutes sortes de façons. Puis, il y a une carte là-dedans. Puis la carte, c'est le fun parce que quand on va dans des... Il y a ce qu'on appelle maintenant des genres de shrines. C'est comme des espèces de mini-donjons, ouais. En fait. Fait que tu rentres là-dedans, puis ça t'apprend... Au début, ce que ça fait, c'est que ça t'apprend une habileté. Link a comme des habiletés psychiques, si on pourrait dire, là. Fait que, tu sais, il peut... Au début, on t'apprend, tu sais, à lancer des bombes. Mais quand tu lances des bombes, en fait, c'est comme une espèce d'énergie externe où tes bombes se reviennent tout le temps, en fait. OK, OK. Fait que, tu sais, dans ces... Regarde, j'ai fait apparaître un petit bonhomme. Ben oui, regardons ça. Fait que, tu sais... Non, ouais, d'une feuille, ouais, tu m'as trouvé. Lui, faut... Ouais, c'est ça. Lui, il y en a un peu partout dans le monde. Faut que tu les trouves. Les noix corugues. À la royure! Tu vraiment ça! À la royure! Je pense que c'est des traduits. La traduction, oui. Ouais, exact. La traduction était écœurante. Je pense que je vais en français juste pour ça. Puis, c'est ça. Fait que bref, là-dedans, en fait, c'est le fun parce que, entre autres, justement, ben, parlons du combat. Il y a tellement de choses à dire, sérieusement, c'est sûr que je couvrirai pas tout. Là. Non, mais en fait, là, on va le dire rapidement aussi, c'est pas une vraie critique ce soir. Non, c'est une vraie critique parce qu'on aura un épisode spécial qui sera une critique 100% de l'épisode sur ouais, ça. Là. L'épisode va être totalement sur Zelda, puis on va vraiment faire une grosse critique complète en gang. Je serai pas là. Non, je sais. C'est sûr. C'est ça, là-dedans, en fait, là, comme je disais tantôt, t'as comme des pouvoirs psychiques. Bon, t'es apprends, puis ces mini-donjons-là, il y en a un peu partout sur la carte. Puis quand tu débarres ces donjons-là, en fait, tu y accèdes avec la tablette que tu as, parce que tu as une tablette dans ce jeu-là. Ouais. Cette tablette-là, en fait, c'est comme si tu avais un iPad. Fait que c'est ta carte, c'est tout ton inventaire, c'est toutes tes affaires, dans le fond. Fait que tu t'accèdes à ça, mais la tablette aussi, tu peux la poser sur des espèces de piédestal sur lesquels tu vas pouvoir la rentrer, puis il va rentrer des informations dedans, donc des nouvelles habiletés où tu vas débarrer des portes ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Fait que là-dedans, tu vas rentrer dans ces petits shrines-là, puis là, ça va t'aider à débarrer une habileté ou apprendre un nouveau mouvement. Puis c'est tout le temps des petits défis comme ça, là, des affaires très, très simples. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Puis une fois que tu en as débarré un, ça devient comme un point de... Ça devient comme un checkpoint, en fait, parce que il devient actif sur ta carte, puis tu peux te téléporter à un autre sur la carte. Vu que le monde est énorme, ben au moins ça te permet de voyager un peu partout. Puis ça, tu peux le faire bien à l'aise en tout temps. Là. Tu peux même le faire, admettons que tu es dans un endroit puis il y a plein d'ennemis qui te foncent dessus puis tu sais que tu vas mourir. Ouais, ouais. Là, tu te téléportes ailleurs, tu fais comme « Non, fuck that, je m'en vais. » C'est ça, le combat, j'aimerais parler du combat. Oui, le combat est vraiment, très, très, très intéressant parce que en fait, il va falloir que tu... Il va falloir que tu te défendes vraiment. Puis, tu sais, faut que t'attendes que l'ennemi va te donner un coup. Puis, t'attends, tu vas faire une contre-attaque ou tu vas faire une évasion, ce qui va te permettre de faire un coup spécial. Tu peux littéralement avancer puis juste frapper comme un malade, puis reculer, puis attendre, puis revenir, puis frapper comme un malade. Mais c'est vraiment la pire façon de faire. OK. Puis là-dedans, pour le combat, Link a vraiment c'est plusieurs... C'est ce que je faisais. Oui, c'est ça. Link, il y a plusieurs façons de se battre. Tu peux te battre, t'as évidemment une arme à main, mais t'as aussi un arc. Puis tes flèches, tu peux avoir plusieurs types de flèches. Comme présentement. Exactement. Là, il y a un fruit dans l'arbre, je vais essayer de tirer le fruit. Tu peux aussi grimper dans l'arbre pour aller chercher ton fruit. Puis le Dom, il a switché. Hey, j'ai fait tomber le fruit! Son style de manette. Là, ben oui, c'est vrai. Tandis que les deux Joy-Con, c'est pareil. Là. Ouais. Nice. Là, je vais aller chercher mon fruit que j'ai fait tomber à l'aide de ma flèche. Daniel... Hein? Pas Daniel. Guillaume Tell. Guillaume Tell. Daniel. Tell Guillaume Tell. Daniel spécial. Tell Guillaume Tell. Tell Guillaume. Ah, oh, wow, c'était beau. Mais ça, c'est. L'arc, c'est fou comment il se contrôle. Ton micro, il monte super bien. Ouais, mon micro, il arrête pas de montrer. Je pense que ton fil tire un peu trop. C'est mon fil qui tire. Attention. Excusez-moi. Non, c'est ça. Il y a tellement de matos. Mais c'est ça, bref, se battre avec l'arc puis avec tes armes, c'est extrêmement excitant. Le fait d'avoir les deux puis de passer d'un à l'autre, c'est vraiment cool. Puis ça va te donner plusieurs façons de faire. Puis aussi, tu sais, comme avec les pouvoirs psychiques que je disais tout à l'heure, tu peux aussi lancer des bombes puis des trucs comme ça. Le dom, il est pris avec les grips sur le top. On dirait enlever les hosties de dragon. Ouais, mais attends, il est-tu locké? Faut que t'aies des locks. Tu le débarres, il y a un lock ici, tu le débarres, tu pèses là-dessus, puis tu l'enlèves. Mais oui, comme t'as vu, c'est pas facile. Pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est ça. Fait que ça, c'était pour le combat. Puis le combat, sérieusement, si tu décides de devenir un maître, ça va être assez tough quand même. Il y a vraiment différents niveaux de difficulté. Puis les ennemis sont hyper variés. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis. C'est cool. C'est super varié. Puis dépendant où tu t'en vas dans le monde, c'est sûr qu'ils vont changer. En fait, tu sais, c'est vraiment... Moi, ce jeu-là, j'ai aimé j'ai aimé le côté improbable, j'ai aimé le côté là, un peu random que tu rentres puis tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce qui t'attend. Tu sais, puis quand tu vas regarder dans ta fameuse tablette, tu vas voir aussi tout ce que tu as à faire, puis les gens que tu as rencontrés, puis où est-ce qu'il y a des missions, puis tout ça. Pis c'est drôle, on dirait que c'est super baveux, je trouve, dans un sens, mais direct au début, ils te donnent le choix d'aller combattre Ganon. Ah ouais? Ah ouais. Si tu t'en vas combattre Ganon, là, tu vas te faire ramasser solide en 2 secondes. Tu seras juste pas capable. Là. Mais allez voir pour vous-même. Je suis même pas allé. Je sais que je réussirai pas. Mais c'est ça. Bref, ce jeu-là quand même respecte l'univers de Zelda puis respecte l'histoire de Zelda et tout. Mais sérieusement, on est ailleurs. Je pense que c'est un jeu auquel... Skyrim. Ouais, c'est Skyrim. Puis je pense que c'est un jeu auquel il faut jouer... pour l'apprivoiser puis l'aimer, mais tu sais, contrairement justement à Skyrim puis au MMORPG, tu sais, c'est des jeux quand même assez pointus qui sont quand même pas toujours évidents d'approche. Celui-là est très facile d'approche quand même, tu sais, tout le monde va avoir une expérience différente, puis c'est pas tout le monde qui va être capable de jouer de la même façon. Il y en a qui vont être meilleurs que d'autres, mais c'est un jeu quand même qui t'apprend vraiment bien ses bases sans jamais que tu t'en rendes compte, puis tu continues à avancer dans ce monde-là, puis sérieusement, ça va vraiment bien, puis c'est vraiment intuitif. Puis aussi, justement, la jauge là, qu'il y a à côté de Link, bien, elle te permet de voir ton énergie, parce que maintenant, tu peux grimper partout. Partout, hein. Là, je suis en train de... Tranquillement, ma mort là, s'en vient. T'en reste plus long, là. mort, là. mais c'est ça, tu sais, c'est un... Je pense que c'est un jeu, tu sais, moi, là, ce jeu-là, là, j'ai commencé à jouer, malade, c'est tellement bon! Là, après ça, je me suis fâché. J'ai fait « Caroline, je l'aime plus, ce jeu-là. Il m'énerve. » Là, après ça, je suis revenu. J'étais comme « Ouais, c'est bon. Hey, c'est vraiment... Hey, crime, c'est vraiment bon. » Puis là, je suis accro, ben raide, puis je suis plus capable d'arrêter. Ouais. Mais c'est un différent Zelda. Attendez-vous pas à avoir la même affaire, le même fonctionnement, puis tout ça. On est ailleurs, là. C'est une nouvelle façon de jouer à Zelda. Ben, ils ont pris aussi des décisions comme d'appliquer la logique du monde réel dans Zelda. Comme j'ai vu que quand il pleut, tu peux pas grimper des roches parce que ça glisse. Ça glisse, ou, c'est ça. Par exemple, si tu fais un feu, ben, tu peux te servir de l'air chaud qui monte puis de paraglider par-dessus le feu, mettons. Exact. Puis aussi, s'il y a un feu, puis tu vois une caisse ou quelque chose à côté du feu, tu peux tirer une flèche, la flèche va s'enflammer puis elle va revoler dans la caisse, la caisse va brûler. Ouais. Fait que tu sais, c'est des affaires que tu découvres même par toi-même. Personne te l'explique dans le jeu. Puis là, tu t'aperçois de ça, puis c'est comme « aïe aïe! » Puis je suis sûr qu'il va avoir... Plus ça va avancer, plus les gens vont découvrir des affaires comme « Hey, tu savais-tu que tu pouvais faire ça dans Breath of the Wild? » T'es comme « Ah ouais? » Puis tu sais, personne va le dire. Je suis sûr que tu sais, Nintendo, ils vont juste s'amuser à faire comme « Non, le jeu est shippé, on n'en parle plus. » Puis là, tout le monde va s'amuser à essayer des affaires parce que tu peux essayer beaucoup de choses. Puis la physique aussi est très importante dans ce jeu-là, puis elle existe. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'amuser juste à faire à peu près n'importe quoi. L'autre exemple, c'est le boomerang aussi. Ça a l'air qu'il faut que, faut que tu l'attrapes, le boomerang, parce qu'il va aller derrière toi, puis tu peux le perdre, ton boomerang. Exact. Si tu fais pas attention. Fait que, puis si tu lances dans un mur, il fera pas comme dans les anciens Zelda, il va juste s'écraser, tomber à terre, il va pas revenir vers toi. Fait que c'est des changements un peu de philosophie dans le jeu. Ah ouais, faut que tu réapprennes. Là. Exactement. Ah, puis une autre affaire vraiment cool aussi, c'est que ton arme, tu peux non seulement te battre avec, mais si ton arme est à veille de briser, tu peux la picher dans ton ennemi. Ça, c'est vraiment hot. Fait que, sérieux, je pourrais en parler pendant 4 heures straight. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun, ce jeu-là. Je vous le conseille. Tu sais, moi, je vous le recommande fortement. C'est pas la critique complète, c'est des pré-impressions. Ouais, ouais. Mais, Colin, que c'est de la bombe. C'est Nintendo, c'est bien fait. Ils ont vraiment bien fait de lancer ça avec la Switch parce que l'achat de la console vaut... tu sais, ce jeu-là vaut l'achat de la console, en fait, parce que... Croyez-moi, là tu sais, vous pensez, vous dites « Ah, je vais acheter la version Wii U puis je vais attendre pour la version Switch. » Sérieusement, le fait de pouvoir continuer à ce jeu-là n'importe où, ouais, c'est ça. Magique parce que c'est un jeu, là, ça, là, sérieux, je sais pas combien d'heures de jeu il y a là-dedans. Il y en a, c'est, ça. C'est infini, sérieusement. Tu peux jouer, je pense que tu vas jouer à ce jeu-là encore pendant un an puis tu vas découvrir des affaires que tu savais pas qui étaient là. Fait que tu sais... Tu sais, il y a une montagne, ah, il y a un volcan là-bas. Clairement, je peux me rendre jusque là-bas, mais... Oui. C'est ça, puis c'est loin. tu te dis aussi, tu peux te rendre jusqu'à là-bas, oui, mais là, quand tu vas te rendre, peut-être que tu vas te rendre compte que, bon, c'est trop brûlant. Ouais, là, il y a un lac, fuck, ouais, je peux pas y aller. C'est ça, puis là, si tu nages, t'as peut-être pas assez d'énergie pour nager jusqu'à la rive. Fait que, tu sais, tout ce que tu vois est atteignable ou pas. ou pas présentement. Ouais. Tu peux y arriver mais un moment donné. Mais tu sais que c'est là, puis il est pas comme non rendering, tu vas le voir apparaître en avant. Non, c'est ça. Tu le vois, il est là, il est dans le fond. Mais... Exact. Peut-être pas y aller pour l'instant. Les temps de chargement en passant sont très courts. C'est quand on meurt, il y a un temps de chargement, ça va charger la carte. J'ai pas eu de gros problèmes de texture qui pop, des trucs comme ça. Des petits problèmes de framerate, des fois, taux de rafraîchissement. C'est arrivé à quelques fois. Mais tu disais que c'était après avoir joué pendant longtemps. Peut-être un affaire qui va se corriger avec un firmware update également. Aussi, exactement. T'sais. Fait que, non, sérieusement, si vous avez à choisir Wii U ou Switch, come on, Switch. C'est vraiment un jeu qui est fait pour la Switch. Puis vous allez apprécier le fait de pouvoir continuer votre game sans arrêt. Chose que je fais chez nous, je joue en bas. Ah! Allons se coucher. Je m'en vais me coucher, mais finalement, j'ai encore ma Switch, puis je continue à jouer. Fait que non, c'est vraiment le fun. C'est un jeu qui va vous plaire énormément. Excellent. Donc, sur ça... Aimes-tu ton gameplay, Dom, à date? Là? Ouais, j'aime ça, sérieux. Écoute, je n'ai pas exploré les sous-menus, non, ben, puis je n'ai pas cuisiné, tout ça. Là, j'ai couru partout, puis c'est le fun de voir que tu peux vraiment comme grimper partout, les arbres, les corniches, whatever, essayer des trucs de même. Mais oui, tout de suite, j'ai le vertige devant tout ce qu'il peut y avoir là-dedans. Fait que clairement, soyez prêts à mettre du temps. Là, ah ouais, vraiment. Là. C'est gigantesque. Mais en même temps, je veux dire, tu tripes et t'as envie de jouer longtemps à Switch. C'est ça. Ça t'achètes ça immédiatement. Ben oui. T'en as pour ton argent. Ah, vraiment, là. Tu sais, c'est pas un problème que ça soit... Tu sais, les gens disent « Ah, il y a quasiment pas grand-chose au lancement. » Quand même. Ben, juste ça. juste ça, ça là, tu serais correct. C'est clair. Fait que là, sinon, on va parler de 1-2 Switch. Ah ouais, on parlait de ça. On va parler de ça un peu parce que, en fait, je voulais juste qu'on donne nos petites impressions rapides. On a tous joué à 1-2 Switch. Puis c'est... On a trait des vaches, on a shaké des bouteilles, on a versé des bébés. Il y a 28 jeux présentement, comme on le voit à l'intérieur de du case. Ouais, ils sont tous là. C'est gradé avec des piments. Donc, plus il y a de piments, plus que c'est exigeant, mettons. Et puis, moi, je serais pas surpris qu'éventuellement, il y ait du DLC ou whatever téléchargeable pour plus de jeux de One to Switch. Il devrait le faire. En espérant que les haters vont pas comme « Hostie, ils nous vendent un jeu pas fini, hostie! Puis là, ils vendent du DLC! » Ah, j'ai même pas le goût d'embarquer là-dessus, je suis trop de bonne humeur. Non, c'est ça, on est trop heureux, fait que fuck them. Mais ça serait très cool. Oui, mais sérieusement, juste avec le contenu qu'il y a là-dedans, moi au départ, je me disais que c'était un petit tech démo, cette affaire-là. Sérieusement, non. C'est un gros tech démo. C'est un méchant gros tech démo, puis sérieusement... juste jouer à ça en gang, le party est pogné là, puis tu sais les parties sont vraiment le fun, puis c'est très bien expliqué avant chaque jeu. Ouais. Ça se fait super bien, tu sais, les petites vidéos qu'on a vues un peu avant le lancement, c'était un peu ça, tu sais, ils te montrent un peu comment jouer. C'est drôle, c'est la première fois que je vois un branding de Nintendo avec des vrais humains. Ouais, hein. Puis dans l'interface de jeu, c'est des vrais humains aussi, tu sais. Qui parlent puis qui bougent. C'est des acteurs. Ils ont engagé des acteurs, dont Nabi, que j'ai incarné très souvent. Là, genre de noir avec les cheveux un peu afro. Ouais. Sérieux, il m'a... Il est sur le case en plus. Ouais, ouais, là, c'est là. Peut-être pas un meilleur shot, là, mais in-game, là, je te jure, c'est Nabi. C'est là, Nabi. Capote. Fait que j'avais la chance d'être Nabi. Puis, mais non, c'est ça. On a, entre autres, le jeu des... moi, je pense que c'est important qu'on parle du fameux jeu de billes. Ah, ouais, ça, là, c'était épatant. C'est vraiment épatant. En fait, je dirais que c'est le premier jeu auquel... faut que tu joues quand tu joues à One Two Switch juste pour voir la puissance des Joy-Con. C'est vraiment pas le plus fun, mais c'est pour te montrer qu'est-ce qui se passe là-dedans. Dans le fond, tu tiens ta Joy-Con à l'horizontale, puis là, ça simule que tu as une boîte en bois vide à l'intérieur avec un certain nombre de billes dedans. Puis là, tu bouges, tu tiltes ta boîte en bois dans tous les sens comme ça, puis là, tu sens les billes rouler à l'intérieur. Faut que tu devines combien de billes il y a. Puis là, les billes, t'es... Toc, toc, toc. Il frappe sur les côtés de la manette. Hey, t'as vraiment l'impression qu'il y a des billes dans ta manette. C'est malade. C'est malade. Ça, là, sérieux, tu sais, ça m'a vraiment épaté. C'est pas juste de la vibration, là, c'est du mouvement. C'est des boules de mouvement dans la manette. Ça, c'est. Ah, ça, t'arrives même pas à le jeu, il est moyen, mais la technologie capable de faire ça, j'étais vraiment impressionné. Là. Moi, j'ai bien aimé. C'est ça, le fameux duel de cowboy, c'est vraiment super ça, c'est le classique, fun. C'est le classique. On a joué avec mon gars un peu aussi chez vous. Il a bien aimé genre de samouraï. Il faut qu'il donne un coup d'épée en bois, puis l'autre, il faut qu'il l'arrête en faisant un clap avec ses mains. Trait à la vache, ça, c'était la vache, moral, c'est vraiment drôle. Parce qu'il y a deux boutons sur la tranche des Joy-Con. Fait Bruno, il a catché bien comme il faut. Ouais. Tu pèses sur le bouton, puis après ça, tu sens le lait vibrer dans la manette. Ouais. Là, tu lâches, puis tu pèses sur l'autre bouton, puis ça sort. Il y avait des gros comme shots. Vous irez voir la vidéo, là. Moi, ça pissait les petits enfants. Là, GM, il catchait pas, il faisait pas comme fou. Puis Bruno, puis ça splash dans l'écran tellement ça venait. Hey, ça éjaculait, là, sur un moyen temps. Le awkwardness de ce jeu-là fait que c'est le fun. Vraiment, là. Puis le fait de regarder le monde jouer, c'est le fun aussi. Il y en a un qu'il faut que tu tiennes ta Joy-Con devant ta bouche comme un sous-marin, puis là que tu croques dans le vide, tu sais, comme pour manger. Tabarnak, man, c'est malade, ça. Ouais, puis ça fonctionnait bien, ça marche très bien. C'est la manette, elle catch que ta bouche, elle bouge, puis elle te fait sinker avec ta bouche au début, genre tiens-le à 5 cm, puis là quand t'es correct, tu sais, ça lock, puis là tu peux commencer. Puis il y a aussi un jeu que moi j'ai vraiment adoré, c'est téléphone. Oui. Tu mets tes Joy-Con, tu mets tes Joy-Con sur la table, sur le côté. À la verticale. Comme ça présentement. Puis là, tu sais, c'est comme t'attends. Puis là, un moment donné, ça dit, bon, ben, quand il y a cette sonnerie-là, faut que tu répondes. Fait que là, mettons, c'est la sonnerie qui dit, c'est pring, puis ça fait boulouloulouloulou. Puis que là, l'autre personne a perdu. Ouais. Mais si ça fait la bonne sonnerie, tu. Fait que, tu sais, même à l'intérieur des jeux, il y a des variantes aussi. Exact. Ce qui fait que c'est intéressant, puis que ça offre une autre dimension, tu sais. Puis là-dedans, les. Tu sais, au départ, il y a juste quelques jeux qui sont débarrés. Puis, quand t'as fait comme 4-5 jeux, après ça, il débarre toutes les 28. Ouais. Puis, tu peux décider de le faire aléatoirement. Genre, tu pèses sur partie rapide, puis ça défile comme ça. Puis, toi, tu pèses sur un piton pour arrêter le défilement. Puis là, tu pognes un jeu. Tu peux continuer puis pogner un autre jeu. Tu peux faire des matchs en équipe aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas essayé encore. Tu peux jouer à plus que deux. On a joué à un jeu qu'il fallait que tu checkes une bouteille, puis tu passes la manette. Ouais. C'est celui qui fait exploser la bouteille qui perd. Ça marchait très bien, c'était vraiment le fun à 4, fait que j'imagine à plusieurs personnes. C'est incroyable. Il y a un jeu de bébé, man. Tu clips tes Joy-Con sur l'écran, puis là, dans l'écran, t'as le bébé, la face de bébé. Puis là, il pleure, faut que tu le tiennes dans tes bras, comme un vrai bébé. Puis là, tu le berces, puis là, il se calme, puis il faut que tu le déposes, comme si tu le déposais dans sa couchette. Puis là, tu te recules. Puis là, des fois, il repart à pleurer, il faut que tu reviennes, tu le berces. Puis c'est celui, genre, qui calme le bébé le plus rapidement possible. Hey, man, j'en revenais pas. C'est tellement weird. Pour ceux-là qui ont eu des bébés, c'est comme, oh my god, je me rembarque pas là-dedans. Mais c'était weird. C'était drôle en même temps. C'était super drôle. Ma blonde, elle voulait vraiment l'essayer. Ouais. C'est venu la chercher, ça là. Je vais le bercer. Ah oui, moi, je vais être bonne. Mais tu sais, c'est. Tout de suite. Sérieusement, ce jeu-là, on avait tous nos doutes, là, vraiment, quand on l'a vu, puis on se dit, ah, pourquoi c'est pas un jeu qui vient avec la Switch? Ben, c'est parce que. C'est pas mal plus que Wii Sports, sérieusement. Là, c'est plus que ça a l'air par les vidéos de gameplay qu'on a vues jusqu'à présent. Là. Ah, ça avait l'air cheesy, mais ça l'est. Mais en même temps, oui et non. C'est bien fait. C'est bien fait. Puis tu sais, c'est drôle aussi. Puis ça va... Tu sais, j'ai déjà lu à quelque part, disait, tu sais, moi, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que tu mets des personnes qui se sont jamais vues de leur vie... Puis ils deviennent chum rapidement avec ce jeu-là. Faut que tu te regardes des yeux, tu sais. C'est ça, faut que tu te regardes des yeux, t'as pas le choix de coopérer, tu sais. Tu sais, fait Mais tu n'es pas obligé de te regarder dans les yeux non plus. Là, si t'aimes pas ça ou t'es le genre de personne qui regarde quelqu'un, mais genre tu regardes le chest quand il te regarde d'en face, t'as le droit aussi. Ouais. Fait que tu sais, ça sérieusement, là, je pense que les gens vont être surpris à quel point c'est comme un incontournable là, pour la Switch. Parce ouais. qu'en fait, un party, là, faut qu'il y aille ça dedans. Mais c'est ça, je me disais, je l'ai précommandé après l'avoir essayé quand on a fait le unboxing, puis je le voulais pas au départ, puis je me dis que je jouerai probablement jamais chez nous à ça. Mais c'est le premier jeu que je vais amener quand il va y avoir un party, ben oui. ou un speech chez mes parents, ou une fête, quelque chose. Exact. C'est le jeu que tu vas vouloir sortir à tout coup, c'est un party killer. Ben oui. Pas, ouais. Ben, peut-être pas un party killer, là, mais un party enhancer. On s'en va tout de suite, genre. Ah non. Ah non. Mais non, mais même... au WEG, là, tu sais. Au WEG, ouais. Un peu chaud. Mais les enfants aussi, ils ont capoté là-dessus. Mon gars, il a capoté, man. Il voulait jouer encore. C'est le fun pour tout le monde, tu sais. Parce que c'est ça, jouer avec tes enfants, des fois, là, c'est pas évident. Ton gars est trop jeune, ta fille est trop jeune. Ouais. Tu sais pas trop, mais... Ça, sérieusement, là, c'est intuitif. Tout le monde est capable de comprendre les jeux qu'il y a là-dedans. Il y en a des plus complexes quand même, là, comme les dés, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais. Il y en a un autre aussi qui était vraiment cool en passant. C'était de la synchronisation. Genre, t'avais des mouvements à faire. Puis, il fallait que t'écoutes la fille, les mouvements que la fille disait. Ouais. Elle disait en haut. Puis, si c'était un homme qui disait en bas, fallait que tu fasses le contraire d'en bas. Fallait que tu fasses en haut. OK. Fait que là, ça devenait vraiment fourrant. J'ai joué avec GF, on était perdus. Ouais, ça va vite, de plus en plus vite. Tu sais plus qu'est-ce qui se passe, là. Ah, puis le ping-pong, on a eu du fun. Ah, ouais, à l'événement cool, avec ça. Hey, c'est fucké, tu joues au ping-pong, il n'y a pas de balle. Ouais. Tu y vas juste avec le son. Ah, mais ça marche, genre. Ah, ouais, ça marche. T'écoutes le son, puis c'est pas juste comme la même affaire, là. Tu peux comme faire des smash. Ouais. La balle, elle smash, là. Faut que l'autre tape plus vite. Tu peux faire des lobes. Puis ça le fait tout. Eh oui. Il y a pas de balle. Ah non, il y avait un jeu de pause aussi. Là, que quelqu'un qui fasse une pause, le gars en avant, il faut qu'il émette la pause. Puis là, c'est qui a fait le meilleur pourcentage. Ah oui. Ouais. Ah, c'était le fun. Puis c'est un bon jeu, ouais. Tu sais, la barbe, c'est que ça se faut que tu te rases. Tu te rases, ben. Tu le passes devant ta face. Puis à la fin, il monte une tête avec le poil, tu sais, ben dru, genre. Puis où est-ce que t'as passé? Ben, dans le front. C'est comme ça, pas possible. Ah, c'est malade. Fait qu'en tout cas, bref, ce jeu-là, nous autres, on en parle avec passion depuis tantôt. Exact. Là, clairement, on a eu du fun. Là. C'est vraiment le fun. Là. C'est un bon jeu. Je pense que ça va être un incontournable. Ouais, en tout cas, pour le monde qui a des amis, puis si vous n'avez pas d'amis, achetez ça, puis vous allez vous en faire des amis. Des amis ou de la famille. Mais sérieux, pour jouer tout seul chez vous, moi, non. Tu peux pas jouer tout seul. Mais tu peux pas jouer tout seul, anyway. Ça, tu peux te pratiquer ces minigames tout seul, mais tu peux pas jouer tant que ça tout seul. C'est ça, parce que quand ça commence le jeu, ça te le dit même, genre, tu sais, comme, OK, on a-tu un joueur à gauche? Okay. Oui. Un joueur à droite? S'il n'y arrive jamais, t'es dans le marde. Bon, ben, coudonc. Bon, ben, coudonc, tu joues à deux mains. Là, on va le reporter au micro-play. Ils vont me donner 10 piastres. Mais bref, c'est ça. Allez vous chercher ça. Fait que là, sur ça, on va vous parler hier, mais en fait, qui n'est plus hier. Pour vous autres, c'était le 28 février. Il y a eu comme un genre de Nintendo Direct, un showcase des indépendants qui arrivent sur Switch. Ouais. Il y a eu bien des annonces. Pis... Les Nindies. Hey, les Nindies. Pas au courant. C'est-tu de la première fois qu'ils nomment ça comme ça? Ouais, ouais. Ouais, ben, ils ont parlé de ça auparavant, mais je pense que c'est la première fois que c'est aussi officiel. Fait que c'est les Nintendo Nindies qui est dans le fond les indépendants de Nintendo. Je suis content qu'ils embrassent ça, les comme ça qui comme. Ben, ils l'ont toujours fait, surtout avec la 3DS. Ouais, mais là c'est comme voici les Nindies, c'est comme ça fait partie du branding de Nintendo, exact. Même si c'est pas nous autres qui développent. Exact. Ah non, ça c'est ça là, ça change la game pour quelqu'un comme moi. Là. Ouais, exactement. Ça, il y a plein de jeux là-dedans qui font OK, là je pourrais avoir une Switch là. Parce que je suis limite là de vouloir m'acheter une PS4 pour jouer aux nouveaux jeux indie qui vont sortir. Mais Chris, c'est même trop cher là, je vais jouer puis je m'en sac la PS4 vraiment là, fait que j'allais me plugger sur Steam. Ouais. Mais là si les Nindies contiennent tous ces jeux là, on va me pogner une Switch. Il y a des grosses chances, puis c'est ça, j'ai pris beaucoup de notes en fait. Une phrase qui a été dite pendant cette présentation-là, qui est très importante, que vous n'avez peut-être pas entendue, il dit « Secure a content flow ». Ils veulent, tu sais, « a constant flow of content ». Ils veulent pas qu'il y ait de temps mort, dans le fond. Exactement. Dans le fond, ils veulent faire la même affaire que Sony, puis... Microsoft, c'est-à-dire que entre les gros AAA, ouais. t'as besoin des indépendants. pour pouvoir tout le temps offrir du stock à ton public. Absolument. Même si c'est du shovelware, sérieusement, mais tu le mets de l'avant, puis tu as tout le temps quelque chose à jouer. Tu peux jamais te plaindre qu'il n'y a rien à jouer. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Fait que c'est ça qu'ils veulent faire, en fait. Ils veulent assurer qu'il y a un flow continu de jeu, contrairement à la Wii U qui souffrait de ça quand même. Bon, il y a ça, puis il y a aussi, comme j'ai dit au début du show, une grosse emphase sur le multijoueur local. Dans ce spécial-là, on l'a vu. Beaucoup tous de les jeux. Beaucoup de 8-bit et beaucoup de 16-bit aussi. Oui, exactement. Beaucoup de rétro. Ouais. Puis je vais passer la liste parce que je pense que c'est quand même très intéressant. Ouais. Ceux-là qui ont été annoncés, il y a eu la suite de SteamWorld Dig, jeu qu'on a adoré à Rétro Nouveau. C'était bon, ça. C'était malade. Puis là, il y a le deuxième qui s'en vient cet été. Fait que ça, on a très, très hâte. Ça a commencé avec ça. Ouais. Il y a Yooka-Laylee qui s'en vient en 2017. Mais le gars a dit après, « Very soon ». Fait que 2017, on ne sait pas la date ça, encore, c'est, mais c'est le Banjo-Kazooie Indie, disons. Exact. 3D platformer là, dans le style que tout le monde aimait tant sur 64. Ouais, puis il est beau, il est vibrant, ouais. Ça a l'air vraiment magnifique. Puis ils ont annoncé aussi qu'il y aurait du multijoueur, chose qu'on ne savait pas auparavant. OK. Fait que ça, c'est vraiment hot. Il va avoir Overcooked, le jeu de cuisine qu'on adore. Faut que je joue à ça. C'est tellement le fun, man. Puis là, tu sais, Overcooked, il va avoir le HD Rumble. HD Rumble, il en parle souvent. Puis d'ailleurs, on n'a pas parlé tant que ça pendant le show, mais c'est vraiment que tu sens toutes les vibrations dans la manette. Comme on a dit avec les billes tantôt, c'est vraiment un autre genre de Rumble. Là. Okay. Faut que tu l'expérimentes, en fait, pour vraiment savoir l'ampleur de pourquoi ce Rumble-là est aussi intéressant. Escapist 2. Qui va sortir en 2017. C'est un jeu qui est très populaire sur les consoles et sur PC. Il y a Gunner qui est déjà sorti sur Steam, qui est très bon, qui est un run and gun. C'est un genre de platformer comme VVVVVV, mais avec des shooters. Ah oui, très cool. Oui, ça me dit quoi, oui. 2017, ça va sortir. Dandara qui va sortir cet été, qui est encore un jeu de plateforme en 8 bits, il me semble. Oui. Kingdom Two Crowns qui va sortir en 2017, qui est totalement, là, ça c'est NES fond, là. Ça a l'air vraiment cool. Encore un jeu à deux, jeu qui est très médiéval. Il y a Runner 3. Runner, c'est une série qui dure depuis tout le temps. Puis là, le troisième a l'air assez épique. Merci, ça va sortir cet automne. Blaster Master Zero, tabarnouche. Ouais, j'ai regardé les previews. Et ça, man, c'était comme la surprise pour moi puis pour toi, j'imagine. Ben, j'ai vu dans le gameplay qu'ils ont repris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de l'original Blaster Master, du NES. Et puis, ils ont ajouté plein d'autres affaires. Mais tu sais, les bonnes vieilles armes classiques, là, du troc, là, genre l'éclair par en bas, tout ça. Ouais. Les niveaux, ils ont l'air très semblables, mais j'en ai vu des différents aussi. Ouais. Fait que ça va être un parfait remake du premier, mais avec beaucoup plus de stock dedans. Puis, je sais pas si t'as regardé le trailer seul, mais dans le trailer seul, à toutes les fois que tu vois les boss, ils mettent comme le design original, le design original en dessin à côté. Tu sais, c'est vraiment comme... Ah, sac, man. Ah ouais, non, c'est vraiment... J'espère que ça va être bon. J'espère que ça va être bon, mais on n'aura pas à attendre trop longtemps parce que ça sort le 9 mars. Ouais, c'est vrai. Puis ça sort également sur 3DS. Je vais pouvoir l'acheter sur 3DS. Exact. Là, on pourra jouer en pre-show de Rétro Nouveau, les podcasts, pour les Patreons. Tellement, man. c'est vrai pour nos Patreons. Oui. Sinon, il y a Flipping Death. On a dit qu'on allait jouer à Revenge of the Gator, par exemple. Oui, oui, oui. Ouais. C'est vrai, c'est important. J'ai pinball sur Game Boy. Full set Game Boy, c'est un NES classique. Ah ouais, c'est trop le fun. C'est vrai. Fait que c'est ça, Flipping Dead, un jeu qui s'en vient en 2017. Puis après ça, il y a Graceful Explosion Machine qui sort en avril, qui est un jeu un shooter avec des vaisseaux où on peut jouer justement avec plusieurs manettes à celui-là. Mr. Shifty au mois d'avril. Ça a l'air cool. Qui a l'air malade. C'est comme. Hotline Miami meets X-Men. Fait que ça peut te donner une idée. Ouais. Wow. C'est vraiment hot. Puis, tu sais, c'est des vétérans qui travaillent sur ce jeu-là. Là. Fait que d'après moi, ça va être de la bombe. Il y a Tumbleseed, qui est un jeu justement où tu contrôles une espèce de barre horizontale, puis où tu bouges de gauche à droite. C'est comme un jeu physique, House of Targ, là, que tu lèves la balle, faut que tu fasses tilté un peu d'un bord à l'autre. 40 pas d'intro. Ice Cold Beer. C'est ça, ouais. C'est ça. Exactement, Ça sort au printemps. Il y a Shakedown Hawaii qui sort en avril. Ça, c'est un peu la suite spirituelle de... Aïe, j'ai un blanc, Colin, GF. C'est le jeu de V-Blank, Retro City Rampage. Exact. OK, OK. Donc, il y a ça. Après ça, il y a Pocket Rumble, qui est un jeu de combat 2D qui a l'air hallucinant. Ça sort en mars, donc on devrait avoir ça bien vite. Wargroove, qui a l'air de Advance Wars. C'est littéralement Advance Wars dans un setup médiéval. Ça a classique l'air malade, tactique man. Au Game Boy Advance. Ah ouais, c'est, ça a l'air débile. 2017. Stardew Valley, qui est un énorme succès. Hey, ce jeu-là, man, il parle. Là. Ah ouais? Je veux l'essayer. Tout le monde est capote là-dessus. Hey, tout le monde triple là-dessus. J'ai envie là, de jouer zen. Je me cherche un jeu relax. Là, ah ben, là je suis trop stressé dans mes jeux NES. Man. Ça m'a l'air agressif. Puis quand je réussis pas, man, je pète des coches. Puis là, le soir, quand je suis fatigué, j'ai besoin d'un jeu relax. J'ai l'impression que c'est ça la solution. T'sais. Vraiment, man. Fort probable. Puis ça, en plus, ils ont annoncé qu'il y aurait du multijoueur en plus là-dedans. Fait que ils attendent de, avec la Switch, ils veulent vraiment attendre pour le sortir. Genre pour que ce soit la version top. Là, ouais, t'sais. Ouais. Genre de Harvest Moon, là, pour ceux qui nous écoutent. Bruno, Mario, on avait Mario fait la Mario est un grand amateur de Harvest Moon. Puis c'est ça, quand on. Une chose qu'on a vue durant ce spécial-là, c'est qu'il y a une emphase gigantesque sur le multijoueur, mais aussi sur le rétro gaming. Ouais. Tu sais, ça avait vraiment une saveur là, des premiers jours de la NES puis de la Super NES. T'sais. Ouais, ouais, ouais. C'est le même type de jeu. On est dans le 8 puis dans le 16 bits là, quasiment tout le temps. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment hot. Puis, à la fin de cette présentation-là, ils ont montré une espèce d'infographique énorme avec tous les logos des jeux qui vont sortir cette année. Ouais. J'ai déchiffré ça pour vous autres. Oh! Fait que je vais vous dire la liste, vous allez voir, elle est longue et exhaustive, mais pour ceux que ça intéresse, parce qu'ils comptent acheter une Switch ou ils l'ont acheté, c'est intéressant. Fait qu'il y a Rogue Trooper Redux, The Fall Part 2, Treasure Knots, Sue and the Quest for Meaning, Rhyme, qu'on attend en tabarnouche, Zombie Vikings, Towerfall Ascension. Oh! Malade. Grosse surprise. C'est comme la suite, ça? C'est... Ben, Towerfall Ascension, c'est comme la meilleure version de Towerfall. Ah, OK. Puis là, de savoir qu'on va pouvoir jouer à ça on the go avec nos Joy-Con, ça avec des chums, là. C'est malade. Ça va être malade, man. Unbox, Oceanhorn, qui est un gros succès sur iOS. Thumper, qui est un gros succès sur PlayStation VR. Splasher, Rive, Enter the Gungeon, qui est un de mes meilleurs Est-ce jeux je de l'an passé. Je peux jouer à ça aussi. Ça, là, c'est dans... C'est de la bombe. C'est dans mon collimateur. Là. Ah ouais, ça a l'air bon. Prochain WEG, on le bon, joue, mon gars. Ah ouais, c'est comme un Smash TV. Ah ouais, je capote. Ça va être fantastique de pouvoir jouer à ça. Fait que Enter the Gungeon, Cave Story, man, un de tes meilleurs jeux. Il y a un autre, ils le refont encore? C'est le remaster de Cave Story qui va sortir. Hey, ce jeu-là, il a été remasteré, mon gars, tellement de fois. Il y a NBA Playgrounds, donc j'imagine un jeu d'arcade de NBA. Ça me tente tout le temps, du 3-on-3. Thousand One Spikes, qui est un jeu extrêmement tellement difficile. Dur là, que j'ai fini par abandonner. Redout, Little Inferno, qui est un jeu de Wii U. Ultimate Chicken, Neurovoider, Pankapu, Shovel Knight, Treasure Trove et Spectre of Torment. Fait que ça, c'est comme les deux versions de Shovel Knight. Treasure Trove, c'est comme la complète. C'est complet, ça. Ça comprend le 1 et toutes les autres quests. Extensions. Les autres extensions. Parce puis, ça, l'autre Spectre que tu as dit, je pense. Ouais, Spectre of Torment. Une des extensions. C'est ça. Fait que si tu as déjà Shovel Knight, tu vas pouvoir acheter toutes les autres expansions séparément ou t'acheter le kit complet. Parce que c'est ça, dans l'espèce de preview qu'il y avait du eShop, t'es voyais dans le eShop, puis Treasure Trove était 24$, puis Spectre of Torment était 10$. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est hey, ça, t'achètes Treasure Trove puis tu niaises pas. Ah, mais ça, c'est vraiment... Je suis super content de voir qu'ils continuent de pousser Shovel Knight. Ouais. Au lieu de faire Shovel Knight 2, Shovel Knight 3, ben, tu sais, ils donnent du contenu. Ils répandent, là, tu sais. Puis j'ai vu aussi que maintenant, ils ont donné l'option, c'est très 2017, les féministes vont être contentes, que tu peux switcher ton personnage en féminin si tu veux jouer une fille. Exact. C'est très cool, ça, tu sais. Ouais. Fait que l'armure est toute gold, là, tu sais, puis c'est génial. Puis aussi, pouvoir, détail à ne pas oublier, tu peux jouer à deux maintenant. Fait que ça, c'est un après l'autre, là, hot, comme là. Dans le temps. Ben, je pense, non, tu peux jouer en même temps, si je me trompe pas. Ouais. Ça va être chaotique. Fait ça. Que, bon, on aime ça, chaotique. Ouais. Binding of Isaac Afterbirth Plus, fait que la meilleure version de Binding of Isaac. Duck Game, qui est un jeu qui avait été critiqué ici à Rétro Nouveau par Nicolas. Ça avait l'air fantastique, un jeu weird à plusieurs personnes. World of Goo, qui est un vieux jeu, mais un excellent jeu. Ça, c'est, ça, quand c'est sorti sur la Wii, ça, dans le shop, tout le monde a « Oh my God, wow! » Là, t'avais vraiment un jeu indie de qualité dans, que tu pouvais télécharger. Exact. Ouais, c'était tout bizarre, nouveau, là, ça, sur Wii. Puis c'est un beau retour, ça. C'est un excellent jeu. Là. C'est vrai. Toe Jam and Earl, Bang and Groove. Je sais pas si c'est ça, c'est bon. C'est comme la reprise du Genesis. C'est comme le retour de Toe Jam and Earl, en fait. C'est un nouveau jeu. C'est un grand classique au Genesis, ça. Il y en a qui a... Il a été couvert par tous les YouTubers, ce jeu-là. Tu sais, très populaire. J'ai jamais joué. Je pense pas que c'est si le fun que j'ai de la misère. Moi, j'aime pas ça. Mais quand même... C'est cool, man. Ben, c'est cool. C'est un bel hommage. Ouais, c'est ça. Après ça, Space Dave, qui ressemblait à être une suite à WoW Dave, qui est un de mes jeux préférés. Ah ouais. Human Resource Machine, qui est des créateurs de World of Goo. Terraria, qui est un très grand jeu pour beaucoup de monde. Ouais. Monster Boy, Hollow Knight, Celeste, qui est des créateurs de Towerfall Ascension, qui est dans le fond un quest complet, puis qui est un jeu extrêmement difficile de platforming. OK. Qui fait que ça, ça a l'air vraiment malade. Over, It'll Do 2, Jackbox Party 3, qui est comme cool, un ça. Des meilleurs jeux au monde. C'est le jeu avec les cellulaires qu'il faut répondre à des questions. Là, on a joué chez vous, Bruno. Ouais, exact. Le jeu au web malade. Aussi, ça va être le fun. Fait que là, tu vas pouvoir jouer, man. On the go. Wow. Battle Chief Brigade, Mutant Mods, man. Ouais. Ça en vient là-dessus. Pelope, State of Mind, Portal Knight, Away, Wonder Boy. Il y a un nouveau Wonder Boy qui est en fait un... Non, si je me trompe pas, c'est un remake de l'original. Puis il me semble que j'ai... À ce que j'ai vu, je me rappelle plus si c'était Wonder Boy ou c'était un autre dans la même veine du Sega Master, mais tu pouvais switcher en pesant sur un bouton au vieux graphisme. OK. Puis revenir au nouveau, là. OK. En tout temps, là. Wow. T'sais. Fait que j'ai vu ça passer sur Internet, en tout cas. Quand même. C'est probablement ça. Ah, c'est cool, ça. Ouais. Puis Snake Pass aussi, qu'on a vu beaucoup, qui a l'air très cool, avec un gros serpent qui fait des puzzles. Fait que c'est ça, ça c'est comme la liste de ce qu'on voyait sur le graphique. Puis évidemment, tu sais, ça c'est ce qu'ils peuvent annoncer maintenant. On ne sait pas ce qui s'en vient par la suite. Puis je pense que les gens... Il doit avoir un beau dev kit de Switch chez Tribute présentement pour Flithook. Ça serait le fun, ça. Ça serait le fun crime quand même. Là. Ben, Tribute sur Nintendo, ça vaudrait la ça peine. Ça serait tellement leur place. Ah ça, ouais, là, man. Ça fit, là. Tout là, le catalogue. Ah ouais. On veut tout le catalogue là, sur Switch. Mais c'est ça, Christy, c'est excitant, tout ça. Ah ouais, là, ça, vraiment, ça, ça, là, ça m'allume bien raide, là. Moi, c'est drôle parce que, tu sais, j'étais excité par la Switch, mais ça, ça m'a hypé, là, à fond. Puis ça, c'est en plus qu'on n'a pas parlé du Virtual Store, tu sais, qu'ils vont continuer d'ajouter qu'ils plein de jeux. Ils sont pas disponibles au lancement, mais ouais, en ce moment, ils devaient être en train de retravailler parce que là, ils parlaient qu'ils voulaient faire les jeux rétro, soit... Jouable online contre d'autres mondes. Ouais. Oui, c'est vrai ça. Ça. Il faut qu'il refactor malade, un peu. Exact. On joue à Bubble. Ça, c'était écœurant, man. Toi, chez vous, moi, chez nous. Tu sais, sur notre... Ça doit être c'est pas juste un émulateur. Ça m'a épaté. Il faut qu'ils recodent le jeu pour pouvoir faire ça. Fait que exactement. De prendre leur temps. Puis probablement qu'ils ont vu le succès de la NES classique aussi. Ils ont dit, ben, il y a une pièce à faire avec les jeux rétro. On va faire ça comme il faut. Puis on va prendre le temps pour le sortir. Ouais, c'est la théorie à GF, ça. C'est mon avis. Il arrête de faire des consoles NES parce que Mini, parce qu'anyway, tout le monde Act, puis tous les jeux. Fait que t'as mettez toute la collection complète dans Switch, là, puis deux piastres le jeu, puis vous allez faire la palette avec ça. Là. Ouais. J'espère, mais bon, je penserais pas, mais déjà, ce qui est annoncé, là, c'est bien le fun, mais genre de le voir, là. Je pense aussi que, tu sais, leur marketing est très fait sur un aspect à la fois. Ouais. Puis j'ai l'impression que là, il y a tellement d'affaires qui sortent sur la Switch, puis ils vont dire, regarde, la Virtual Console, on va attendre un peu que Zelda soit sorti, puis que les jeux de motion soient sortis, puis on va y aller une affaire à la fois, puis ça va être vendu au fur et à mesure, puis rendu à Noël, on va avoir une meilleure idée, là, en fait, de tout ce qui va s'offrir, puis Mario Odyssey va sortir en même temps. Oui, c'est clair. Mais tu sais, sérieusement, les gens se demandent s'ils devraient l'acheter au lancement ou non. Ça dépend vraiment du genre de gamer que t'es, tu sais, puis... Si c'est juste pour jouer à Zelda, t'en as pour un méchant bout anyway. Exact. Mais là, on a vu là, qu'il y a un flot de contenu qui va s'en venir. Fait que tu l'achètes au lancement ou que tu l'achètes dans 2 mois, j'ai comme l'impression que les prochains mois vont être très, très, très intéressants pour cette console-là. Puis ils mettent vraiment les bouchées doubles, puis ça paraît. Là, ah, tu oui, le oui. vois, tu le sens. Ils sont en confiance aussi. Là. J'ai pas senti oui. une poussée de publicité comme ça avec la Wii U. Là. Vraiment j'ai pas. J'ai vu une annonce de Switch à TVA. J'avais jamais vu ça avant, oui. les annonces de Nintendo. Ah, il y a des billboards partout sur l'autoroute. Il y a plein de médias qui en ont reçu avant le temps, puis oui. sinon, ils ont l'air vraiment en confiance. Puis, ah, ils font les affaires ils, comme ils sont, du monde cette ouais. fois-là. Puis, tu sais, ils ont appris de leurs erreurs. Là. C'est une méchante volée, tu sais. Puis moi, c'est le fun parce que j'ai l'impression qu'il lui arrive la même affaire qui est arrivée à Sony. Tu sais, Sony, ils ont fait un peu leur douchebag avec la PS3. Ouais. Et ça a été un échec pour eux autres. Puis ils sont revenus avec la PS4. Puis là, c'est comme la console la plus vendue dans le monde. Fait que Nintendo fait à peu près la même affaire présentement. Ouais. Et comme ils comprennent qu'ils ont fait des erreurs puis qu'ils n'ont pas fait des affaires comme du monde à un certain point. Puis... là, ils font ce qu'il faut, là, vraiment. Ah oui, ah oui. Ça va être les parfait. Indépendants, c'est vraiment cool de voir dans quelle direction ils s'en vont, puis de voir qu'ils veulent vraiment offrir un flow continu là, de contenu. Là. Absolument. Ça, man, ça va être malade. Fait que c'est All pas right. mal ça. Fait que ça fait le tour. Ouais, moi, je finis sur une question pour Bruno. En fait, à la lumière de ce qu'on a appris, là, tous ces jeux-là qui sont sortis, selon toi, est-ce que la Switch est en train de devenir ce que la Vita aurait dû être depuis le début? Monsieur oui. Vita Luva, là. Ben, tu sais. Vita Lava. Le Vita Lava, ouais. Vita Lava. Ben, moi, je pense que la Vita, là, ce qui a causé aussi un peu son décès, c'est niaiseux de même, mais je pense que c'est le manque de boutons dessus. Ah ouais? Sérieusement, ah ouais? Là, le fait qu'il n'y ait pas de L2 puis de R2, ouais. ça y a fait mal en tabarnouche aussi. OK. Parce que t'as pas le choix d'adapter ton style de jeu. Quand tu vas sur une Vita. Tu sais, si tu avais pu, admettons. Le touchpad en arrière. Ouais, tu sais, tu es obligé de jouer avec le touchpad. Imagine que tu peux jouer à tous tes jeux de PS4 parfaitement sur ta Vita sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. Ouais. Ça devient une console super intéressante, même si c'est juste pour ça. Puis sinon, avec le PlayStation Now, ça aurait été intéressant parce que tu jouerais à des jeux de PS3 sur ta Vita puis tu n'aurais aucun problème à y jouer. Là, avec le touchpad, t'étais incapable. Ouais. Fait que tu sais, il y avait déjà certaines lacunes par rapport à cette console-là. Ouais, ouais. Puis je pense qu'il y a bien du monde qui l'ont laissé tomber, entre autres à cause de ça. Puis Nintendo, eux autres, ils ont tout ce qu'il faut sur leur manette. Ils ont tout ce qu'il faut sur leur console, ce qui fait que je pense qu'ils se feront pas avoir. Puis ils n'ont pas mis d'affaires extra qui servent à rien là-dessus. Ouais. Tu n'as pas une caméra. Il n'y a pas de micro. La caméra servait ouais, à rien. Vrai, le micro servait à rien vraiment. T'sais. Fait que, non, moi, je pense que c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Puis ça a été. Ça a été réfléchi et pensé aussi par des nouvelles têtes ouais, chez ouais. Nintendo. Ouais, ce que je veux dire, il y a un changement là, là-bas. Fait que. Non, moi, je pense que. Là, ils sont là pour la longue run, là, sérieusement, avec cette console-là. Là, ça va changer beaucoup de choses, en tout cas, dans les prochains mois puis dans la prochaine année pour tout le monde. Là. Yes. Ouais. Je pense qu'on a deux marchés. Là. On a PlayStation et Xbox qui chicanent d'un bord. Puis Nintendo, mon gars, qui est sur son petit bateau de l'autre côté, ouais. qui fait ses affaires et qui s'en calisse de la chicane qu'il y a de l'autre côté. Plus que jamais. Hein. Vraiment, là. Puis c'est comme fait. Ce que vous voulez, nous autres, on a de quoi de spécial, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est là. Ça. C'est vraiment, vraiment cool, sérieusement. Puis allez l'essayer. Il y a le lancement de la console à Montréal se fait vendredi. Oui. Ça se fait en avant de l'église, en avant du Best Buy, en fait, qui est sur Sainte-Catherine. Allez l'essayer, allez regarder, allez voir ce que c'est sérieusement. Ça vaut vraiment la peine de voir comment c'est cette affaire-là, comment ça se tient et tout ça. Vous allez être conquis, j'en suis persuadé. Puis si vous ne l'êtes pas, ben probablement que les mois qui vont venir ou que vous allez avoir un de vos chums qui va en avoir acheté une, va vous faire sacrer chez vous tout seul. Ça va vous achever. Ça va vous achever. Fait que c'est ça. Donc, sur ce... Excusez. On achève. On termine comme ça. Je suis fatigué. Moi aussi, c'était effrayant. Complètement vidé. Quelle semaine. Quelle semaine. C'est tout un marathon pour la Switch. Full Switch cette semaine. Full Switch. Mais merci à tous ceux qui nous écoutent sérieusement, puis à tous ceux qui nous suivent vraiment. Ça nous touche. Il y a vraiment beaucoup de monde qui continue à nous écouter. Des nouveaux Patreons, du monde. Des nouveaux Patreons. Oui. On a même des Patreons qui viennent d'arriver. Ils mettent un dollar. Puis juste un dollar, nous autres, on est bien contents. C'est ben oui, super, ça change méchant, tout pour nous autres. Ben oui, man, c'est génial. Ben oui. On apprécie ça, vraiment. Énormément. Puis tu sais, ça... On le dit souvent, mais c'est parce que c'est vrai. Ça sert à l'équipement, puis sérieusement, il y a des affaires qui sont tellement mieux maintenant à cause de ça. Là. Tu vois, aujourd'hui, JF a acheté une licence XSplit à 80$. Une affaire pour capturer du vidéo qu'on va servir un jour. Là, puis, Ça s'en est servi au dernier épisode. Ça s'en est servi au dernier épisode. Puis moi, je suis en train de faire des tests parce que je vais streamer Steep bientôt. Il y a une extension qui est sortie, fait que je vais plugger ma PS4 là-dedans. Là. Ah, c'est cool, ça. À noter que c'est ça, à soir, l'épisode ne peut pas être l'épisode numéro quelque chose. Non, c'est un hors-série. À cause que ça fuckerait notre centième. Ouais, c'est ça, parce qu'on y travaille en même temps sur le centième présentement. Donc, on veut faire un petit quelque chose. C'est ça, Mais on veut pas, c'est ça, on voulait pas comme mélanger ça. On a déjà assez scrappé notre timeline de même. C'est ça, même tantôt, on se demandait, on fait ça, c'est 101 ou 99B. Non. C'est hors série lancement de la Switch. Perdre tout le monde. Mais fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, merci à tous. Là. Yes. Puis on se revoit pour le centième. Dans deux semaines. Dans deux semaines, man. À la prochaine, tout le monde. Yes, ciao. Retro Nouveau.